Tu sais, la cheminée, tout ça. Ah ouais, moi je te suis pas, moi je l'écouterais bien à Pâques aussi, tu vois. Mais... bon, si visiblement tu veux l'écouter qu'à Noël, pas de problème. Chacun sa période, chacun sa fête. Voilà, j'ai envie de te dire. Hashtag le night show. Bon, je vous en parlais il y a quelques instants de Christopher. Alors Christopher, je vous disais, hein, c'est quand même très chelou. Il a tellement de surnoms à sa meuf, il l'a tellement jamais appelé par son vrai prénom qu'il a oublié le prénom de sa copine. Bonsoir Christopher. Bonsoir à tous. Comment ça va? Salut. Chris? Ça va bien, enfin ouais. Alors, je te cache pas qu'on est un peu sceptique sur ton histoire. Moi, voilà, je pense que tu es de bonne foi. Je vois pas pourquoi t'appellerais la radio pour dire ça si c'est pas vrai. En plus, ça ne s'invente pas. Mais en même temps, je comprends pas parce qu'il y a plein de moyens de récupérer ce prénom. Et du coup, je comprends pas. Explique-nous déjà, ça fait combien de temps que t'es avec elle? Est-ce qu'elle est dans ton bahut? Je veux tout savoir. Ouais, on est au collège. Elle est avec moi. Ouais. Ouais, je stresse un peu, c'est bizarre. De quoi? Je stresse. Oh non, t'inquiète, ah, ben nous, non, t'es chez toi, hein. Ouais. Oui, non, mais t'es chez toi ici, quoi. Je sais bien que t'es chez toi, quand tu nous écoutes. Il est trop mignon. Vas-y, Zen, on est entre potes, vas-y. Elle est pas dans ma classe. D'accord. Mais on est dans le même collège. Ok. Mais en fait, j'ai perdu son prénom en lui donnant tellement de surnoms. Ouais, mais et je veux dire. Je sais que c'est bizarre, mais voilà. Attends, mais une question toute simple. Tu l'as bien enregistré dans ton téléphone à son prénom? Ouais, oui, mais je sais que je l'enregistrais avec un surnom. Ah, ouais, non, mais même quand vous êtes au bahut, Christopher, à un moment donné, il n'y a pas que toi qui l'appelles, il y a d'autres gens qui l'appellent. Ah, on se parle pas en fait. Ah, ouais, ah, c'est un vous ignorez. Bah, non, mais ils sont pas dans la même classe. Vous voulez pas vous afficher devant les gens, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est en fait, c'est, pour l'instant, elle veut pas. Ah, parce oui. Que, tu vois, en fait, quand on sait un truc, tout le monde fait, ah, je peux quoi, un truc comme ça. Ouais, genre il y a pas mal de commères et tout, j'ai compris. Ouais, et juste, t'as pas son Facebook, t'as rien? Bah, elle a pas de Facebook, elle a pas de Twitter. D'accord, c'est une personne sans identité. Donc et elle a Snapchat, mais moi je l'ai pas. D'accord. Ah, bah télécharge Snapchat, Christopher. Et alors. Bah ouais, mais. Bah oui, mais c'est pas. Pareil, comment il va l'ajouter? Il a pas son blaze. Bah ouais. Oui, c'est ça. Et Christopher, t'as demandé à ses potes ou t'oses pas les voir? Bah, en fait, ouais, je voulais, mais en fait, j'ai pas parce que. Je veux pas parce que, en fait, j'imagine, en fait, je vais aller les voir. Oui. Mais ils vont me dire, ouais, mais tu connais pas son prénom alors que tu vois. Mais bah non, mais attends, puis Christopher, moi j'imagine tout à fait mon mec aller voir mes copines pour dire, excuse-moi, comment s'appelle cette personne? Alors que t'es avec elle depuis très longtemps, c'est quand même improbable, Christopher. Oh. Christopher, bah oui. Ce qu'on va faire, ça fait combien de temps que t'es avec elle? La rentrée. D'accord, donc un petit mois quoi. Et, ouais. Et le surnom que tu lui donnes le plus souvent, c'est quoi? En fait, non, hein, en fait, on dit au pif, on fait plein de trucs. Ouais, plein de surnoms différents. Ok, bon, ouais, Christopher. Bichon, tu sais quoi? On va essayer de trouver une solution. Il faut qu'on retrouve le prénom de cette personne. Donc ça va être compliqué, mais on a des petites solutions pour toi. Tu bouges pas. 01 42 48 5000. Alors je pense pas que vous ayez déjà connu ce genre de problème, non. Mais peut-être on vous a donné des surnoms ou vous en avez donné comme ça, des surnoms improbables. Venez, on partage comme ça les surnoms de l'époque du bahut. C'est sympa. Let the beat. Fun Radio est la seule radio à vous envoyer à Las Vegas faire la fête avec DJ Snake. Salut, c'est DJ Snake. Fun Radio, c'est ma radio. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec deux tubes de DJ Snake à la suite. Allô? Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez direction Las Vegas pour voir DJ Snake en live. Comment ça va? Fun Radio. C'est le double fun sur Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc, pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat à chaque passage en caisse à partir de 25 euros. Ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20 euros en bons d'achat et 50 euros en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat! Du dimanche au jeudi, de 22h à minuit. Marion et Anso. The Night Show. Le Night Show. Sur Fun Radio. Et alors là, je vous le dis, on est sur un très gros dossier avec Christopher. Christopher, c'est pas une blague. Franchement, on s'est renseigné, c'est la vérité. Il a 15 piges. Il sort avec une fille dans son bahut là, depuis le début, là, depuis la rentrée. Le truc, c'est qu'il l'appelle tellement par des surnoms différents. Il l'a enregistré dans son téléphone, genre à mon cœur, un truc comme ça. Que du coup, il a oublié son prénom. Et comme ils sont pas dans la même classe, c'est compliqué. À la récré, ils se voient pas, ils se parlent pas parce qu'ils ont pas envie de s'afficher. Il a pas envie d'aller voir ses potes à elle parce que qu'il a peur que ses potes le bâchent. Enfin bref, il ne sait pas comment récupérer son prénom, c'est ouf. Mais alors, et du coup, Christopher, est-ce que tu peux nous dire les surnoms que tu lui donnes à ta copine? En fait, on dit plein de trucs, genre mon amour, mon bébé, mon cœur, mon trésor, un truc comme ça. Ça se trouve, elle aussi, elle a oublié ton prénom. Ouais, ce serait énorme. Oh putain, ce serait énorme. Bon, on a réfléchi. Pardon, mais... Michon, on a quelques astuces et vous continuez à nous appeler la 01 42 ouais. 48 5000 pour nous parler des surnoms qu'on vous a donnés, que vous avez donnés à des gens. Anso, qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, je pense, Christopher, que tu devrais lui demander son adresse. Genre, en gros, tu lui dis je t'envoie une surprise chez toi. Alors, ça peut être une lettre, ça peut être un cadeau, ça peut être ce que tu veux. Pas bête. Et tu lui demandes son adresse par texto. Et en général, quand tu demandes l'adresse aux gens, on a tendance à mettre et notre nom et notre prénom avant. Ah, si, si, moi, si, je le fais. Moi, je le fais aussi. Bah, moi, je mets que mon adresse. Non, parce qu'elle va forcément mettre son nom, parce qu'elle va se dire qu'il n'a pas forcément son nom de famille. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne technique. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, mais si je lui dis, ouais, je vais t'envoyer un cadeau, mais je lui envoie pas de cadeau, je fais comment? Mais non, mais tu fais une lettre, Christopher. Tu sais, une lettre, une petite fleur. Mais un ça truc. Fait un truc des gamins, ça. Une fleur. tu lui envoies une lettre, non, mais pas une fleur, mais tu lui envoies une lettre avec des vannes dedans. Hein. Au pire, ouais. Même si elle te donne que l'adresse avec le chiffre, genre 8 rues, je sais pas quoi, bah tu vas voir devant chez elle. Ah ouais, c'est j'ai pas bête. Non, mais donner mon adresse là. Amir, même s'il va devant chez elle, sur la boîte aux lettres, il y aura les prénoms de ses parents. Il y aura pas son prénom à elle. Donc c'est compliqué cette idée. Hein. Tu connais pas son nom de famille, Christopher? Non. D'accord. Oui, Thibaut, alors. Dans la merde. Moi, j'ai une technique de ouf en gros pour retrouver les gens. Tu tapes leur numéro de téléphone dans la barre Facebook et sur certaines personnes quand ils s'enregistrent, et bah du coup ça leur donne le numéro. Elle a pas Facebook. Elle a pas Facebook. Mais du non. Tout. Mais non. Elle a que Snap. Ben non. Oh, merde. Donc, écoute, l'adresse, c'est pas si mal. Si je tape son numéro dans Snap, je sais pas. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Enzo, oui. Je pense que le plus simple, c'est de taper son prénom sur Facebook, peut-être que. Arrête. Laisse-le avec Facebook. Oh, non. Putain. Amir avait peut-être une solution. Tu vas nous dire si c'est jouable. Dis-nous, Amir. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'elle aille chez Starbucks et la caissière, elle va lui demander son prénom. C'est vrai que ça, c'est pas con à chaque fois. Ouais, mais Starbucks, c'est plus cher. Ouais, mais là, il faut que tu économises. Ouais, et puis un petit café, genre 2 balles, tu vois. C'est vrai qu'ils mettent toujours les prénoms des gens. Ils les écorchent, mais ils les mettent. Ouais. Bah oui, mais ça fait radin, ça. Je vais au café, je lui dis bonjour, un café de 2 euros, puis on repart. Ouais, mais enfin, après. Et juste... en plus, c'est, sur les cafés, ils marquent pas le prénom. C'est sur les milkshakes bizarres, là. Ouais. Ah, si, si, ils le mettent sur les gobelets blancs. Moi, ça me saoule, ils mettent toujours Marianne, c'est un truc de ouf. C'est bah, Marion, bordel. Et bah, moi, justement, une fois, faut faire gaffe avec eux parce que. Ça leur est déjà arrivé de se tromper. Dans mon prénom, par exemple, le décrire Amir, ils avaient écrit Cachemire, s'il te plaît. Mais non. Ah ouais. Peut-être un rapport à la texture des sourcils. Tout ça. Non. Ils ont fait le lien, si, si. Non, mais c'est vrai, Cachemire, mais ouais, Cachemire. Quel rapport? Oui, alors, Thibaut à l'arrière. Ouais, mais en fait, j'avais pensé à un truc, genre, on fait souvent des délires avec les cartes d'identité. Genre, tu sais, on se moque des photos qu'il y a. Tu lui montres ta carte d'identité, tu fais regarde comme je suis moche sur celle-ci. C'est pas bête. Montre la tienne et on fait le plus moche et comme ça, tu verras son prénom. Pas mal. C'est pas bête. Très bonne idée. Ouais. Ah si si. Oui. Ah, si. Chris, le Starbucks, franchement, si tu peux gratter un peu de thunes à papa maman là, c'est 10 balles les deux cafés, franchement, c'est jouable. C'est cher, mais bon. Ouais, c'est cher, mais bon, ça vaut le coup de tenter et le coup de la carte d'identité, c'est très très bon ça. Ouais. Mais moi j'ai trop envie que tu testes l'idée d'Amir. Hein. Ouais. J'ai trop envie que tu y ailles, mais s'il faut, je t'envoie 10 balles et tu te filmes en train de le c'est faire. Vrai, hein. J'ai trop envie de savoir. Et puis surtout, en fait, ça me rend dingue, j'ai envie de savoir comment elle s'appelle. Moi aussi. Ça m'en folle quoi. Bon, on voulait parler des surnoms avec vous et vous avez été nombreux à réagir au standard au 01 42 48 5000 avec les surnoms hyper chelous qu'on a pu vous donner ou que vous avez donné quand vous étiez au bahut. Ouais. Et il y a Gaspard qui est avec nous. Bonsoir Gaspard. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe, ça va? Yeah. Oui, et toi? Ouais, ça va. Alors dis-nous, est-ce que t'as un surnom toi? Ouais, moi il y a une amie, elle m'appelle Canard parce que je fais des trucs avec ma bouche et je sais bien imiter Donald, le canard. Ah bah vous, tu nous fasses une imitation Gaspard. Ouais. Je peux la faire maintenant? Ouais. Il y a un petit truc. Ouais, Donald. Ouais, c'est pas mal. Bah, après, bon, c'est un son, hein, y a pas de dialogue. Hein. Bah, tu peux pas parler en Donald? Non, ça, j'arrive pas, mais. Non, j'arrive pas. C'est déjà pas mal. Voilà. Ouais, puis, de toute façon, est-ce que réellement c'est vraiment quelque chose de pratique? Moi aussi, j'y arrive. Non, y a rien de pratique là-dedans. Attends, Gaspard, parce que Amir sait le faire aussi, vas-y. J'ai fait pareil que lui, non? Ouais, il le tient, c'est quasiment pareil. En tout cas, on passe vraiment une bonne soirée. Hein. Bon, bah écoute, Canard, ça va comme surnom, c'est cool, tu le vis bien. Ouais, ça va. Et bah, on t'embrasse, petit Canard. Moi aussi, je vous embrasse. Je peux avoir un Pac-Man? Oui, bien sûr, on te repasse le standard, tu vas jouer avec Canard. Cool, merci beaucoup. Bisous, bye. Bisous. L'équipe, je vais voir si vous êtes un peu calé niveau star. Vas-y. Je vais vous donner des surnoms, vous allez essayer de retrouver à quelle star ils correspondent, ok? Oui, c'est dur. Ça va. Regarde pas les réponses, Amir. Okay. Sinon, je te casse la gueule. Qui surnomme-t-on Flamby? François Hollande. Ah bah, François Hollande. Bien joué. Qui surnomme ton poche? La femme de David Beckham. Oui, elle s'appelle comment? Victoria. Victoria, oui. Beckham, ouais. Tout à fait. Elle a hérité de ça pendant la période Spice Girl et du coup, bah, c'est toujours resté. Poche, ouais. Ouais, okay. Le duc de Boulogne. C'est Booba. Oh. Bah oui, bien joué. Anne-Sol, elle savait pas. Si, si, je savais. Je préfère laisser Amir sur terre. Si, je suis content, Booba. Fugli. Fugli? Ouais. Ah non. Fugli, ça doit être. Quelqu'un hein, s'appelle Fu? Fogiel? Non, alors rien à voir. Tu sais Yannick au standard? Michel Fugain. Non, mais pas du tout. Non. Ça aurait non. C'est Fergie en fait, et c'est une contraction de Fergie et Ugly qui veut dire moche. C'est un surnom qu'on lui a donné quand elle était ado. Oh, et du coup, c'est resté. Ah la pauvre. Fugli. Baba. Bah, Cyril Hanouna. Oui. Ouais, bien joué. En arabe, ça veut dire papa, du coup, ses fans l'appellent comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Qui surnomme-t-on Mr. Schling? Mr. Schling? Oui, c'est quelqu'un connu. Quelqu'un qui pue, non? Bah, je sais pas s'il pue, mais en tout cas, il a une réputation de puer. Et c'est un youtubeur? Non! Un animateur. Un acteur très connu. Hollywood. Ah oui, Johnny Depp. Oui, tout à fait. A priori, c'est ses amis qui l'appellent comme ça à cause de son hygiène. Et le mec de Twilight aussi, est-ce qu'il paraît pue? Ouais. Ouais, mais bon. Non, enfin, ça, c'est. Non, moi, ça, je peux pas y croire. Okay. C'est une rumeur. La brindille. Ah, bah. Kate Moss. Oui, tout à fait, pour sa petite taille. Queen Bee, facile. Beyoncé. Bah, Beyoncé. Tout à fait. Mais c'est pas Beyoncé, c'est Alicia Keys. Il est con lui. Mais c'est pas possible. Mais, non mais là je vous ai mis la version. Non, mais, il a raison. C'est la version avec Beyoncé que j'ai mis. C'est vrai, il y a une version avec Beyoncé. Ouais. Si on écoute bien. Bah là c'est Alicia Keys. Non mais après, je suis d'accord, je connais cette version. Mais bon, je te sauve là, quand même. Qui chante là? Qui chante? Bon ouais. Bah voilà. Ah, elle est là Queen Bee. Qui surnomme-t-on Canine Dion? Céline Dion. Ouais, est-ce que vous savez pourquoi? Bah, ses dents. Ouais, en fait, ses dents, avant d'être connues, elles étaient très longues. Du coup, elle se les a fait limer, mais c'est resté. Non, mais effectivement, au début de sa carrière, la pauvre avait une bouche difficile. Hein. Qui surnomme-t-on Bambi? Michael Jackson. Ouais, tu sais pourquoi? Parce qu'il aimait la forêt? Non, parce qu'il adorait les animaux, t'es pas loin. Le Kaiser. Kaiser? Ça doit être Kaiser... Ah, je connais pas. Non, personne dans l'équipe. Et eh ben, c'est Karl Lagerfeld. En fait, ça veut dire empereur en allemand. Et en gros, c'est parce qu'il réussit tout. Du coup, il a eu ce surnom. Ah, le Kaiser. Ouais. Ah, oui, si tu le dis pas avec l'accent, moi je capte pas. Ah oui, là tout de suite, c'est plus clair. Ah, oui. Ouais, c'est plus clair. Qui surnomme-t-on Gordito? Gordon Ramsay. Alors, je vous donne un indice. Ça veut dire le petit gros en espagnol. Le petit gros. Gordito. Ça m'aide pas du tout. Et eh ben c'est Antoine Griezmann et c'est sa meuf qui l'appelle comme ça. Mais il est pas gros ? Non, mais bon, je sais pas, c'est un délire, Gordito, m'engueulez pas. Qui surnomme-t-on l'homme des cavernes ? Ah, Amir. C'est Chabal. Non. Ouais, bien joué Thibaut Alaria, c'est Chabal. Ils ont rugby les gars. Attends. Quoi ? Anso, t'as dit quoi ? Amir, parce que t'as des gros sourcils et que les hommes des cavernes ont des gros sourcils. Ouais. Aidez-moi. Aidez-moi. Attends, je te fais la dernière, je te sors de là. Qui surnomme-t-on l'homme sourcil ? Alors là, aucune idée, moi je vois pas. Ouais. C'est marrant, il n'y a que moi qui rigole pas. Hein. On a Jérôme qui nous a appelé là. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Ça va Jérôme? Ça va et vous? Ouais, très bien. Tu voulais parler des surnoms? Ouais, par rapport aux surnoms en fait. Donc moi j'avais un surnom au rugby, c'était Babar, par rapport à mon père, que c'est son nom qu'on lui a donné. Donc c'est un surnom de génération en fait. Et donc en fait, donc tout le monde m'appelait Babar et quelques années après, donc je jouais toujours avec les mêmes personnes. Et un jour, pour faire, je sais pas pourquoi, je me suis présenté donc à un entraînement et je dis bah bonjour Jérôme et en fait personne m'a cru. Ah genre les gens savaient pas que tu t'appelais comme ça quoi. Voilà, en fait c'était Babar, il y avait jamais eu de prénom de dit et quand j'ai dit Jérôme, tout le monde m'a regardé bizarrement et les gens pensaient vraiment que tu t'appelais Babar. Non, c'est le surnom, mais en fait j'avais jamais parlé de mon prénom vraiment quoi. D'accord. Et voilà, c'était le surnom du rugby qui était resté et il y en a plein qui avaient oublié mon prénom quoi. Oui, mais enfin, c'est quand même hallucinant que les gens ne te croient pas. Bah oui. Et puis t'as dit Jérôme. Ah bah, c'est pas qu'ils m'ont pas cru, mais c'est qu'ils étaient vraiment choqués, enfin genre ah bon, tu t'appelles comme ça quoi. Et est-ce que dans le rugby, le foot, tout ça, on se donne tout le temps des surnoms ou Ouais. Souvent, ouais. Ouais. D'accord. C'est souvent, bah, par rapport, après, c'est pour des équipes, bah, des combinaisons, trucs comme ça. Ça évite que les autres sachent les choses, quoi. Oui, Enzo. Mais ouais, il y a souvent des surnoms. Ouais. Moi, dans mon équipe, quand je joue au foot, on appelait quelqu'un Cagette. Pourquoi? Parce que tellement qu'il courait lentement, on pensait qu'il tirait une cagette à un moment. C'est drôle. On l'a toujours appelé Cagette. Ah ouais, d'accord. En fait, vous donnez des surnoms en fonction des performances. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. C'est de la merde. Mais c'est tellement nul. Ouais, vous pouvez pas, quelqu'un qui court pas vite, tu l'appelles, je sais pas, escargot, limace. Bah, c'est drôle. Oh, oui, cagette. C'est recherché. Même... Moi, je valide. Ouais. Ah, la France rigole, là. Ah ouais. Regarde, Jérôme, il en peut plus, on l'entend plus parce qu'il est mort de rire. Oui, Thibaut. Ouais, moi, justement, au rugby, comme je courais vite, on m'appelait la gazelle. Ah, et je le prenais super mal en fait. Je croyais que ça faisait super féminin. Mais bon. Non, mais mec, c'est vrai que vous n'avez jamais vu Thibaut. Il est grand, il est tout maigre. À quel moment tu joues au rugby, toi? Ah, oui, bah, c'est vrai. Je joue ailier. C'est du suicide. Ouais. Yannick, t'avais un surnom, toi? Ouais. Non, moi, oui, j'avais un surnom, c'était Cabouchard. Pourquoi? Ah oui. Oh merde. Alors, vous voulez vraiment connaître cette histoire? Je la connais pas, moi. Ah, vas-y. Tu vas pas être déçu. Parce qu'une fois, j'avais oublié de m'essuyer après avoir fait un popo. Oh non! C'est une blague. Attends, t'avais quel âge? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi j'avais 16-17 ans. Et t'avais oublié de t'essuyer, d'accord? Et il s'est passé quoi? Et du coup mes potes l'ont vu, parce ouais. que le papier n'avait pas bougé en fait, il était tout neuf. Et depuis ce moment on m'a appelé Cabochard, comme mais... un chien. Comme un chien? Oui, parce que le chien ça s'essuie pas quand ça fait caca. Ouais. Ah oh, mais c'est horrible. Mais c'est le pire truc au monde de ne pas faire ça, Yannick, hein. C'est vraiment sale. T'as quel âge? Malheureusement l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et j'étais assez alcoolisé pour oublier de m'essuyer. Il avait 16 ans. Ah non, c'est dur. Ouais, là, là. Ouais, c'est chaud quand même. Ah, je suis choquée. Bon, finalement, tu t'en sors bien, toi, avec Babar, Jérôme, hein? Ouais, ça va, j'ai assez de chance. C'est pas, comme, c'est pas un surnom comme ça, quand même. On t'embrasse, Babar. Moi, je préfère Babar. Merci. Bisous. Bisous. Bisous à vous. Ciao, ciao. Bon, Christopher, mon petit chat. Oui. Il va falloir que tu mettes tous nos conseils en place pour retrouver le prénom de ta copine. Et à partir du moment où tu auras retrouvé le prénom de ta copine, tu nous rappelles, on veut tous savoir quoi. Ouais, mais la carte d'identité, c'est une très bonne méthode. Hein. Ou, ouais. ou alors, s'il n'y arrive pas, dans un temps numéro 2. Il peut passer à l'antenne et nous on le fera pour lui. Bah comment tu veux. Sinon, ça sonne. Ou sinon, ah ouais. Et après les cours, je la suis jusqu'à chez elle. Dans ce... Mais oui. Ah non, mais attends, là c'est une super idée. En fait, oui. Nous, il faudrait qu'on l'appelle en mode c'est la radio. Tu t'appelles comment? T'as gagné un pack fun. Mais et là, oui. Bingo. Christopher, il faut que tu nous donnes le numéro de ta copine. Elle dort. Ah, elle dort. Mais est-ce qu'on peut le faire genre dans la semaine ou si t'arrives pas à retrouver? Ouais. Elle dort. on se fait un point mercredi, Christopher. Ah ouais. Si tu l'as pas trouvé mercredi, on appelle ta copine et on fait ça. Ok. Ok. En plus, elle aura un pack fun, elle sera contente. Non mais franchement, mais qu'est-ce qu'on est con pour qu'on y a pas pour mercredi. Vers quelle heure aussi? Oui, bon, Christopher, ça on va te laisser faire la mécanique, tu vois. Bah ouais, mais je fais du airsoft, j'ai pas le temps. D'accord. Bon bah vous trouvez une date avec le standard là et puis on se cale ça, ok? Ok. Ok. Allez, on t'embrasse, Christopher. Bisous. Non mais c'est quand même improbable cette histoire. Rappelle-moi juste, toi, ton surnom, c'était quoi? Moi j'en ai eu plein, bah tête de bite, hein, prioritairement quand j'étais au collège. Ouais, c'est vrai. Et mon grand-père il m'appelait Nénette, mais je trouvais que ça fait un peu prénom de sexe féminin. Ah ouais, Nénette, j'aime pas. Ouais, ça va ma Nénette, c'est un peu. Ah Nénette, ouais. Ça fait non, mais sale. Il est très gentil, hein. Non, papy pervers. Non, en fait, gentil. Mais voilà. Je vais chialer, putain. Bon, restez avec nous, puisque dans un instant sur Fun Radio, c'est le Wesh C'est qui va débarquer. Et vous gagnez 400 euros de bon d'achat pour American College, c'est pas mal. C'est bon. Et c'est à l'occasion de la sortie en DVD du film Vert Emeraude. Et on écoute Sam Felt tout de suite sur Fun Radio. Summer on You. Ça c'est bien, ça a été encore découvert ici, je te le dis ça, Babar. Ah bah toujours, hein. Allez, au revoir. We were in love with the sun. We were in love with the sun. Sipping on coke and rum. My head up in the clouds. But when I look back now, ain't nothing else I would do. When I spent the summer on you. Our troubles all on the rise. Our troubles all on the rocks, filling our plastic cups. Down by the riverside, we spent those long hot nights until the sky turned blue. When I spent the summer on you. Spent the summer on you. Most things in life ain't free. Most things in life ain't free. But you were all that I need. My feet down in the sand. You took the watch from my hand and said it's no more use. When I spent the summer on you. We were in love with the sun. We were in love with the sun. Sipping a coke and rum. You ask me, are you sure? 'Cause I cannot be returned. And so I made my move. When I spent the summer on you. When I spent the summer on you. And when I look back on those days, there's not a thing that I would change. So when the year is through, I'll be right here to spend spent the summer on you. I spent the summer on you. Avant le dimanche soir, c'était la galère, c'était l'ennui total avec les rediffusions de films là que vous avez déjà vu 6000 fois. Mais ça, c'était avant puisque maintenant on est là. Voilà. En direct tous les dimanches soirs et du dimanche au jeudi, 22h minuit, ça nous fait bien plaisir. Et je vous invite à aller voir les nouvelles vidéos là qu'on vous a mis sur la chaîne YouTube Marion et Enzo. On s'éclate vraiment beaucoup. Il y a du Zao, il y a l'opération Bahut qui arrive, il y a Soprano qui a mis le feu. Franchement, allez voir, ça vaut le détour. Oh, moi, je dis, c'est sympathique. Wesh, c'est qui? Wesh, c'est qui? Le principe du Wesh, c'est qui est simple. Vous jouez avec papa ou maman, il faut leur faire deviner 4 stars sur les 6 qu'on vous donne. On vous donne une petite liste comme ça. Oui. Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez et vous pouvez repartir avec 400 euros de fringues American College et le DVD Vert Émeraude. C'est pas mal? C'est un beau cadeau. Je vous rappelle que vous avez une minute pour leur faire deviner. Et évidemment, ce serait trop simple. On ne donne ni prénom ni nom. Hein. Bah oui, parce que sinon, on fait plus deviner du coup. C'est ça. Enzo est avec nous ce soir, bonsoir. Oui, Enzo. Bonsoir Marion, Enzo, vous allez bien? Oui, ça va et toi? Oui, ça va, ça va. Enzo, tu habites à Béton? Oui, c'est ça, près de Rennes. D'accord, j'ai l'impression qu'on cartonne chez les Enzo. Hein. Oui, moi aussi. Ah, ouais. Ou alors c'est un prénom très à la mode, mais voilà, tu es le 10e Enzo de la semaine. Ah bah d'accord. Bichon, on va jouer avec qui, papa ou maman? Papa. Avec papa, d'accord. Il s'appelle ouais. Comment papa? Loïc. Alors, je rappelle que Loïc est déjà en ligne avec notre standardiste Yannick pour qu'il n'entende pas la liste. Et d'ailleurs, ça a l'air très passionnant à leur conversation. J'entendais Yannick lui dire « Alors Loïc, on est sportif dans la vie ?» Il ne sait pas du tout comment combler Yannick. Ouais, c'est ça, il part dans tous les sens. Enzo, est-ce que tu es prêt à noter la liste? Oui, je suis prêt. Ok, c'est parti mon pote, on commence avec Nagui. Alors, attendez. Nagui, tu vois qui c'est l'animateur France 2, tout ça? Ouais, je vois un peu. Nagui, c'est bon? Ouais, c'est alors, bon. Alors, Brad Pitt. En deuxième? Oui, ouais, bah, enfin, comme tu mettras l'ordre que tu veux, Bichon. Alors, attendez. Mais je marque parce que ah bah oui, j'ai un peu peur d'oublier. Bah oui, c'est le principe, sinon on te... De... Bah oui, c'est un peu bête. Alors, Nagui, Brad Pitt, on enchaîne avec Zao, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. Hyper sympa. C'est qui, elle? Ah bah si, Zao. C'est chelou. Ah oui, d'accord, je vois. Ouais, je vois. Elle faisait C'est chelou. Donc c'est une chanteuse, quoi. Ouais, c'est ça, dis donc. Ouais, d'accord. Et perspicace, Enzo. Ouais, je sais, merci. Ensuite, tu auras Alizé. Ah, d'accord. Ça va, ça te parle? Ouais, ça me parle, elle. Elle est plus facile, il y a Denis Brognard. D'accord. Alors, attendez. Oh, c'est compliqué, ça, à faire. Non, bah, Koh-Lanta, Bichon. Ça va. Ouais. T'as qu'à lui donner toutes les réponses, Marion, aussi. Bah, je l'aide parce que je le sens perdu, le Enzo, là. Et enfin, le dernier, ce sera Clara Morgan. Ah, tout c'est qui, là? Bon, tout ce qui est calendrier sexy, t'inquiète pas, si tu joues avec papa, il connaît la personne. Ouais, hein. D'accord. Lui, film porno. Film porno et sexy, et voilà. Bon, c'est bon, t'as tout le monde, Nagui, Brad Pitt, Zao, Alizé, Denis Brognard, Clara Morgan. Il faut en deviner 4, ok? D'accord. Allez, en une minute, c'est ça? Oui, en une minute. Et on accueille papa. D'accord. Bonsoir, Loïc. Bonsoir. Ça va, Loïc? Eh bien, écoutez, ouais, tout va bien. Bah alors, Loïc, Loïc, la France se demande, puisque Yannick vous a posé la question en antenne, est-ce que vous êtes sportif? Non, pas du tout. D'accord. Voilà. Il a l'air sympa. Non, moi, je m'occupe des casseroles. Ah, d'accord. Cuisinier. D'accord. Non, c'était peut-être une blague. Okay. Loïc, vous êtes cuisinier? Non, pas du tout, mais j'aime ça. Ah, d'accord, très bien. Vous faites quoi dans la vie, Loïc? Je suis libraire. Hein. D'accord, super. Bon, je vous rappelle juste les règles du jeu. Il vous faut deviner 4 noms sur la liste de 6. Vous avez une minute. Si jamais vous avez un doute, vous passez, d'accord? On ne perd pas de temps. D'accord, ok. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, les garçons? Enzo, t'es prêt? Ouais, c'est bon, je suis prêt. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, papa, c'est qui est présentateur sur France 2, tu sais, présente une émission de chansons Une émission de chansons sur France 2. On n'oublie pas les paroles de Nagui. Ouais, c'est ça, parfait. C'est un acteur, souvent les femmes l'attendent beaucoup parce qu'il a un physique pas mal quand même. Il a joué dans quoi? Il est avec qui? Sa femme? Qui? Comment? Il a joué dans... Ah, je me souviens plus du film. Il vient de divorcer. Angelina Jolie. Oui, c'est ça. C'est une chanteuse qui est plus connu de notre âge, parce qu'on est de ton âge. Passe. Je passe. Il présente, comment ça s'appelle, Koh-Lanta. Oui. Ouais, c'est ça. Elle a été brune, elle est devenue blonde. Elle a, comment elle s'appelle déjà? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle chante, elle danse, elle chante. Mélanie Farmer, elle a été faite par Mélanie Farmer. Alizée. Oui. Oui, c'est vrai. Aïe. Ah, c'est quand même. C'est sur le fil, hein. Bah, c'est sur le gong. C'est sur le gong. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est sur le gong. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Bah, si, c'est sur le Ah, bah, si, on gagne. Hein. Allez, c'est gagné. Ah, parfait, trop cool. Merci. Merci beaucoup. Loïc, j'ai quand même envie de jouer avec vous et juste d'essayer de vous en faire deviner. Hein. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Si je vous dis. Ancienne actrice porno qui fait des calendriers. Clara Morgan, qui est en vente dans mon magasin. On n'hésite pas là. Alors, y a pas de... Tu vois, Enzo, j'avais dit, je savais que Papa Loïc, c'est un gros pervers. Non, il est ouvert, il vend les bons calendriers. En tout cas, il a été très fort parce que, devinez, c'est une chanteuse, elle était brune, elle est devenue blonde. Voilà, et juste avec Mylène Farmer, franchement, c'était pas mal. Ouais, bravo. C'était pas mal. Ouais. Bravo. Enzo, on t'envoie le DVD du film Vert Émeraude et puis tes 400 euros de fringues pour American College. D'accord, merci beaucoup les filles. Bisous. Salut. Merci. Bisous. Salut. Ils sont cool. Trop cool. Bon, dans un instant sur Fun Radio, qu'est-ce qui se passe? C'est le retour du Vérité. Donc, en gros, c'est simple. Si vous avez une question à poser à un membre de l'équipe, bah, vous nous appelez maintenant au 01 42 48 5000. On sera obligé d'y répondre. Oui. Alors, ça peut être également une question de culture générale. Hein, ouais. Par exemple. Non, mais le salaire, on répond pas à ça. Hein. Mais d'accord. Non, bah non. Enfin, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais enfin, pas de soucis. Regarde-la. Allez, restez là. On se retrouve juste après The Chainsmokers sur Fun Radio. Je suis fan d'eux. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Chainsmokers sur Fun Radio. Ah, tellement son du dimanche soir, ça. Il est 22h42, on est en direct. Ouais. Qu'est-ce qu'il a râlé l'autre là? Ben j'en ai marre, vous oubliez tout le temps Pépère non-stop. Pépère, juste pour vous resituer, Pépère, c'est le personnage trash qui n'a aucune limite, zéro tabou dans cette émission. On ne valide rien de sa bouche. Bah oui. Ah. Et là, depuis tout à l'heure, il chonchonne. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais faire le wesh c'est qui? Tu voulais faire quoi? Mais non, mais moi, vous parlez des sujets, je suis même pas interrogé. Sur quoi? Les surnoms? Bah oui. Ah, alors tu veux dire quoi? Pépère, il donne des surnoms à qui? Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, Pépère, il donne des tonnes de surnoms à mes mères, il aime bien ça en plus. D'accord, tu l'appelles comment? Bah la salope, la pute, la truie, la grosse. Ça dépend, mec, mec, c'est pour ça que tu nous as coupé? Bah oui. D'accord, c'est horrible. Wow. Voilà. Alors, Pépère, sachez. C'est une forme de respect pour mes mères de dire ça. Voilà, c'est, il aime bien quoi. Hein. Oui, voilà, c'est ça, mais ne reproduisez pas ça chez vous. Bah non, bah déjà, qui appelle sa femme mes mères? Personne. Non, non, j'espère. Bah oui. Merci Pépère. Merci Pépère en tout cas. Bon, bah on relance une session de vérité ou vérité. On voulait jouer avec vous. Si vous avez des questions à poser à un membre de l'équipe, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000. J'aime bien. Vous êtes prêts à répondre et on est obligé, l'équipe, de dire absolument toute la vérité. Ouais, enfin, moi, si on me demande si je préfère ma mère ou mon père, je réponds pas. Hein, je te bah le dis. Oui, bah moi non plus. Voilà. Oui, si c'est des questions. Voilà, raisonnable, on répond. Bon, on va commencer par Cyril de Lyon. Bonsoir Cyril. Wesh les meufs. Wesh, ça va? Ça va et vous? Ouais, impec. T'appelles d'où? Impec. De quoi? Tu habites où? À Briançon. D'accord, tout va bien? Oui, ça va très bien. Eh ben c'est parfait, on t'écoute pour ta question. Alors c'est d'abord pour toi Marion. Oula. Parce que t'as une tête un peu dealeuse et tout. Donc du coup, je me suis demandé, est-ce que t'as déjà fait des trucs illégaux dans ta vie? Attends, j'ai une tête de dealeuse. Ça va pas, non, Cyril? Chaud. Alors, est-ce que je sais pas, c'est ton grain de beauté qui doit faire ça, je crois. D'accord. Alors, parce que tous les voyous du monde ont des grains de beauté, quoi. Alors, un truc d'illégal, oui. Alors, jamais en rapport avec la drogue. Désolée de te décevoir. Hein. C'est pas du tout mon délire. En revanche, c'est vrai, je l'avais déjà dit dans cette émission l'année dernière. Il m'est arrivé et j'en suis pas fière. Hein. Deux fois dans ma vie. De voler. Deux fois? Ah non! Oui, oh non. Deux fois, mais alors c'est des petits trucs, je suis désolée, j'étais ado, j'ai déjà volé une brosse au Monop, mais des trucs débiles en plus, j'avais l'argent pour me la payer cette brosse, mais c'était vraiment pour la perf. Et je me suis fait avoir, et une fois j'étais partie avec une copine à New York, j'avais eu cette chance, et j'avais volé des parfums Abercrombie, parce que je trouvais qu'ils étaient archi chers, j'en avais pris trois. Ah quand même! J'ai fait choper? Non, jamais. Si pour la brosse au Monop, je me suis fait choper, voilà, les mecs m'ont fléchi, etc. Mais pour New York, jamais, jamais, jamais. Mais tu sais que dire ça sur une antenne, t'es interdit sur le territoire américain, là. Arrête. Mais non. Ah, tu fais peur, hein, mais moi, je suis très crédule. Hein. Voilà, c'est les deux petits trucs illégaux que j'ai fait. Si j'ai dû une fois aussi dans ma vie, la meuf qui se livre beaucoup trop, ne pas payer le train, tu sais, genre j'étais un peu en retard. J'ai foutu le temps. Tout le monde a fait ça. Hein. Ah non, pas moi, moi je suis incapable de faire ça. Moi j'ai trop peur, quoi. Ah si, moi j'ai. Moi j'ai jamais le métro, j'ai toujours payé mon ticket et je suis incapable de télécharger illégalement une chanson. Ouais, mais là, mais Marion, c'est une bonne âme, elle. Ouais, je suis une bonne âme d'ailleurs. Ouais, c'est un bonhomme, et moi je suis quoi? C'est vrai que Anso, elle écoute que de la musique téléchargée légalement, c'est incroyable. Moi j'achète tout sur iTunes. Ouais, mais du coup, en fait, quand je me rends compte que ta musique, le morceau te coûte 1,29€ et que j'en ai 3000 dans mon téléphone, tu te dis quand même, ça fait un peu chéro quoi. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est bien, j'avoue, moi je télécharge jamais les musiques payantes, j'ai des comptes Deezer, Spotify, tous ces trucs là. Ouais. Donc je paye un abonnement. Mais par contre, télécharger en plus aujourd'hui, télécharger illégalement de la musique, ça sert plus à rien. Non, puis c'est surtout que, on va pas se mentir, je ne sais pas faire. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Hein. Et pas très 2.0, quoi. Bon, voilà, Cyril, tu as ta réponse. D'accord, j'ai une question aussi pour Anso, pardon. Ah, vas-y. Est-ce que, si tu devrais sortir avec quelqu'un d'équipe, ça serait avec qui? Ah, pas bête. Ah, c'est une bonne question, ça. Si t'avais pas le choix. Je sais pas. Bah écoute, il y a Amir avec ses sourcils, il y a Enzo du Standard, il y a Pépère le pervers, il y a Thibaut à la réa, il y a Yannick du Standard. On va pas parler du reste de l'équipe qu'on adore, mais bon, que les gens visualisent pas forcément. Ah, donc je peux pas parler du reste de l'équipe. Ah, bah si. Mais non, mais personne les connaît là encore. Bah ouais, mais attends, on va peut-être apprendre un dos. Mais non, mais je trouve que nous, on a un stagiaire qui s'appelle Pablo, que je trouve hyper sexy. C'est vrai. On peut le ramener ou pas? Alors attends. Mais lui, on va prendre une photo pour que les gens le voient. Pablo, le stagiaire. Pablo, c'est le plus sexy de l'équipe. De l'équipe, carrément. Bah oui, enfin moi je trouve que c'est lui qui est le plus sexy. Attends, excuse-moi, parce qu'il y a une musique mexicaine derrière, là, ça m'embête. Ouais, parce que moi, Pablo, il me fait penser au Mexique. Oui, c'est vrai qu'il a une petite moustache et tout. Bah écoute, ouais, Pablo, on va lui dire, il est au courant ou pas? Non, il est pas au courant, il est pas au courant. Alors, Pablo, viens voir. Viens, Pablo. Il faut qu'on parle de quelque chose. On fait un vérité ou vérité sur l'antenne et Cyril me demandait avec quelle personne de l'équipe je pourrais sortir. Oh. Et j'ai dit que je te trouvais le plus sexy de l'équipe. Voilà. C'est sympa. Donc, alors, voilà, c'est tout. Alors Pablo, qu'est-ce qu'on en pense? On est content ou on n'est pas content? Dans le micro, Pablo. Très heureux d'être l'élu.

On est en train de se faire un vérité-vérité. Le principe est simple, c'est comme l'action vérité sans les actions. Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez, on est obligé d'y répondre. 01 42 48 5000. Et je vois que ça vous plaît beaucoup sur Twitter là. Amir va nous en faire dans un instant, mais il y a Alexa qui dit, ça me fait beaucoup rire Anso, sois très honnête, tu dois me critiquer en deux mots. Toi, je dois te critiquer? Ouais. Ah, c'est chaud. Ah bah, c'est vérité-vérité. Te critiquer, oh là là, comment c'est dur. C'est ouais, hyper facile. Dur. Je dirais que tu es conne et chiante. Non. Le truc horrible. Mais non, mais je sais pas, comment tu veux que je te critique Je sais pas. Je sais pas, j'en sais rien. Quoi. Deux mots, t'as pas? Non. Ah, moi j'ai, bon. Moi j'ai. Amira, vas-y Amir. Moi je dirais têtu et alcoolique. Non, pas alcoolique. Pas alcoolique. Non. Non, j'ai jamais dit ça. Alors, têtu, c'est vrai que je veux souvent avoir raison, ça c'est vrai. Ouais. Alors, c'est une teigne, Marion, elle est trop têtue. Voilà. Mais c'est tout ce que vous avez, sûrement. Bah, ah, bah oui. Ça va. Yannick en a un. Rancunière. Ah, il a pas tort. Et mauvaise foi. Non, ça je suis pas d'accord. Ah, et tu pues aussi. Ok, bah je prends têtu et rancunière. Allez. On a Ambre de Lyon qui est avec nous. Bonsoir, Ambre. Salut. Ça va? Ça va et vous? Ouais, très bien. T'avais une question pour qui, toi? Alors, bah, j'en ai deux en fait. Vas-y. Alors, vous avez le choix. Soit je commence par les filles. Non. Soit je commence par un mec de l'équipe. Fais un garçon, ça va changer. Alors, on va demander à Enzo. Ouais. Je voulais savoir si tu avais déjà fait l'amour dans le lit de tes parents. Mes parents, non. Ah, mais les parents de ta copine, oui. Ouais. J'en étais sûre. Mes parents, je respecte trop, moi. D'accord. Par contre, tes beaux-parents. Par contre, tes beaux-parents, ils s'en foutent, ouais. Les draps et tout. Bon, et ben, c'est honnête. T'avais une autre question? Ouais. Et pour vous, les filles, je voulais savoir si vous étiez plus dominatrice ou soumise. Ah, oh, bah, ça dépend des périodes, ça. Hein. Moi, je vais te dire la vérité vraie, je suis middle. Moi c'est-à-dire aussi. Que j'aime bien être les deux, voilà. Moi aussi. Je pense que ça me fatiguerait trop souvent d'être dominatrice à chaque fois. Et soumise, je m'ennuierais aussi. Donc middle. Et toi, t'es comment, Ambre? Moi, je suis middle. Bah voilà, team middle, quoi. Puis on ne reparle plus. Et bah voilà, team middle, on t'embrasse, Ambre. Bisous. Allez, ciao, bisous. Bisous, chérie. Salut, ma belle. On a Nadia de Lens aussi. Bonsoir, Nadia. Salut, Marion. Salut, Anso. Salut, toute l'équipe. Salut, salut Nadia. Ça va? Oui, et toi? Oui, ça va. Dis-nous. Alors, moi, j'avais déjà une question pour Thibaut. Thibaut à la réelle. De savoir, c'est quoi sa plus grosse phobie sexuelle? Alors, folie ou phobie? Phobie. Ah, phobie. Ah, c'est pas facile, ça. Ah, d'accord, une phobie sexuelle. Ouais, moi, vas-y. Je l'ai direct. J'ai peur vraiment, mais c'est un vrai truc qu'on me glisse un doigt dans les fesses. Mais alors, ça m'angoisse. D'accord. Ouais, enfin, bon, en règle générale, ça se fait pas par surprise. Oh, si, ça peut arriver. Ah, si, il y a des coquines qui hésitent pas à y aller. Hein. Je sais pas, mais pourquoi, c'est quoi le délire? Mais attends, mais surtout, pourquoi c'est une phobie? Il y a pire que ça, quand même. Ouais, mais ça, je sais pas. En fait, comme je connais pas, je sais pas comment je vais réagir. T'es en train de me dire que le pire truc au monde qui peut arriver sexuellement, c'est un petit doigt de rien du tout dans les fesses. Bah ouais. Ouais, c'est-à-dire que c'est même pas genre on te pisse dessus, on te fait un truc de ouf quoi. Non, c'est un petit doigt quoi. Ouais, non, mais après, c'est pas sexuel. Pour moi, ça sort de la sexualité, faire pipi, tu vois. Bah, ça dépend pour qui. D'accord, bon, bah écoute, c'est ton choix. Voilà, ouais. Nadia, tu sais tout sur Thibaut. J'avais une autre question pour Amir. Ouais. C'est savoir s'il a déjà vu la teuf d'un pote à lui et dans quelles circonstances, si c'est oui. Ah, j'adore Amir, est-ce que t'as déjà vu la teuf d'un pote? La teuf, bah, oui. Bien sûr. C'est... Et bah ouais, quel dans quelles circonstances? Dans quelles circonstances? Mais je l'avais déjà raconté, c'était une fois mon pote il se faisait pépon là juste à côté de moi, je dormais. Ah oui. Et il se faisait pépon. Mais même dans les vestiaires et tout, non? Oui, mais dans les vestiaires tu calcules même pas. Bah enfin... oui, c'est ça. C'est vrai que vous avez quand même une certaine facilité, vous les mecs, à vous mettre à poil devant vos potes quoi. Ouais, mais tu mates quand même, hein. Peut-être tu regardes. Bah non, en fait. Bah oui. Si tu compares un peu, toujours. Par exemple, à la salle de sport, il y a des mecs, des fois, ils se mettent à poil. Et puis toi, après, t'as pas envie de te mettre à poil, quoi. Tu vois, ah ouais, genre t'es pas à l'aise. Mais... C'est vrai que nous, à l'inverse, on va jamais faire tomber la culotte et comparer, quoi. Bah, mais ah vous, non, y a rien à comparer, c'est bah, si, bah, je sais pas. Bah si, parce qu'il y a quand même des formats différents aussi de sexe féminin. Ouais, mais bon, mais à part les lèvres qui tombent. Oui, ouais, mais c'est vrai si. Que, enfin, en tout cas, c'est pas un truc que je regarde où je me dis pas, oh chouette, je vais voir Marion à poil, quoi. Non, vous, c'est les seins, peut-être. Mais moi, j'ai pas envie de voir les seins des filles, quoi. Il faudra dans une émission spéciale. Ok. Voilà, Nadia, t'es au courant de tout. Ok, je peux passer une petite dédicace. Bien sûr. Merci. Alors, à Laura, Marie, Maëva et Nina. Ok, c'est voilà. Passé. Bisous, ma belle. Gros bisous, je vous aime fort. Bisous. Ciao, ciao. Il y a Louis aussi de Paris qui est avec nous. Bonsoir, Louis. Salut, Marion et Enzo. Salut toute l'équipe. Ah, salut, Louis. Ça va, Louis? Ouais, tranquille, tranquille. Bon, on t'écoute pour tes questions. Bon, alors déjà, la base, première petite question. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Yeah, yeah, yeah. Alors, t'avais une vraie question ou pas? Ouais, j'avais une vraie question, bien sûr. Alors, c'était pour Marion et Anso. Mm-hmm. Je voulais savoir, c'est quoi votre taille de poitrine? Ah ouais? Ah, j'avoue, jamais fait celle-là. Bien ça. Non, on l'a jamais fait, non. Ok, bah tu veux que je commence? Moi, ouais, je fais un 90C. Mais parfois, je peux taper dans le B, ça dépend des magasins, tout ça, mais ouais. Moi, je suis sur un 90-95C et parfois, je peux taper dans le D. Ah oui, tu tapes beaucoup dans le ouais, D. Ouais, je tape dans le D un peu. Je suis un peu sur un 90-95D, quoi. Ah oui, parce qu'il y a une différence entre toi et moi, quand même. Voilà, Louis. Il y a la team, la team gros nichon, quoi. J'ai horreur de ce mot. Ah, moi aussi. Nichon, c'est vraiment hyper péjoratif. Non, allez, Robert. Il n'y a pas de nom stylé pour appeler les seins. Non, le pire, c'est Gougoute. Ah, il n'y a pas pire que ça au monde. Les nénés. Ah, les tétés, quoi. Ah, les tétés. Les boobies. Les quoi? Les boobies. Ah ouais. Ah, les boobs. Les boobies. Ah, les boobs. Ah, boobs, ça passe. Les boobs, c'est sympa, les boobs. Est-ce que t'avais une autre question? Ouais, mais c'est pour Pépère, celle-là. Ah, cool. Vas-y, il t'écoute. Alors, est-ce que tu as déjà eu un rapport sexuel consentant avec un membre de ta famille? C'est Pépère. Bah... Précise consentant, hein. Bah, j'ai jamais réellement baisé de quelqu'un qui avait 100 ans. Oh là là. Pépère en impro. Ouais. Alors, les gars, celle-là, on la mettra pas dans le spectacle, hein. Bah pourquoi? Moi je la prends, Pépère. Oui, oui. Bah d'ailleurs, promotion pour mon spectacle, demain rendez-vous au théâtre des Deux Chèvres. D'accord. Et donc, oui, évidemment, t'as fait l'amour avec toute ta famille, toi. Bah oui, déjà, tout est mon dépassé, toute la quadrille. Bah oui, Pépère, il a tout fait, tu sais. Bah oui. Voilà, Louis, tu sais tout. Et je voulais faire aussi des gros bisous à Morgane Laverne. Ok. Vous connaissez? Oui, bien sûr, c'est l'animateur de Femme de Nantes. Ouais, il a liké mes photos Instagram, c'est pour ça. C'est un fort. Eh ben écoute, ça c'est sympa, ça on embrasse le Momo. Ouais, la chance. Je croyais plus, moi. On t'embrasse, mon Louis, bisous. Bisous. Ouais, bisous. Amir sur les réseaux, je suis sûr qu'il y a de la question pour nous, vas-y. Il y en a beaucoup, donc j'enchaîne et vous répondez vite, ok? Ok. D'accord. Yes. Alors, est-ce que les gens dans la rue vous regardent bizarrement? Ça arrive. Gentil 169. Dit ça. Oui, ça arrive de temps en temps. Avez-vous déjà insulté une personne de votre famille, Tiffany Ardoulin? Non. À jamais, j'oserais jamais parler mal à quelqu'un de ma famille. Moi non plus. Alexa, Marion, la personne qui pue le plus dans l'équipe. Qui pue le plus? Pue. Ah, franchement, c'est dur parce que tout le monde sent bon dans cette équipe. C'est vrai qu'on a de la chance cette année. C'est que cette année, on a de la chance. C'est vrai que l'année dernière, c'était fort. Wow, hein. Deux, trois stagiaires qui sont passés, quoi. Voilà. Monsieur Patate, avez-vous des voisins qui vous énervent? Non, pas du tout. Ouais, pas ouf la question. Manon QTD, quel youtubeur, youtubeuse aimeriez-vous pécho? Ah, pas mal. Alors, Anso, c'est Seb Lafrite, hein, elle l'a déjà dit. Ouais, j'ai déjà dit, moi j'aime bien Seb Lafrite. Moi, je trouve un certain charme à Wartek, voilà, mais je pense que c'est sa personnalité parce que je l'aime beaucoup. En plus, on est potes, du coup, voilà, mais sinon, ouais, je dirais Wartek. Voilà. Et les garçons? Bah quoi les garçons? Ah, une youtubeuse fille? Bah oui. Thibaut Larrea? Moi c'est classique mais c'est Enjoy Phoenix. Ah bon? Ah bon? Ouais, j'aime bien. Elle est mignonne. Hein, elle est cool, elle parle bien, elle s'exprime bien, elle est bien apprêtée. D'accord, et toi Amir? Emma Cakeup. Ouais, elle est très jolie Emma. Et en plus elle est funky. Et Natou aussi, personne dit Natou. Ouais, bah oui. On dirait Natou. Qui toi? On dirait Raconte, elle est pas mal. Ah ouais. Bien vu Enzo. C'est délire. D'autres questions ou c'est tout Amir? J'en ai pour la soirée là si je continue. Bah vas-y, une dernière. Vas-y, allez encore, j'adore. Quel mec détestez-vous dans l'équipe, les filles? Allez, dans un instant, c'est le pourquoi tu m'appelles. Mais personne, on les a embauchés, on les adore. Mais oui, moi je peux pas. Ouais, non, personne. Par contre, Thibaut, parfois, me fait un peu chier, mais. C'est voilà. Hein ok. Non. Non, personne, évidemment. Une dernière? Ouais, mais là, ça concerne Thibaut. Vas-y. Vas-tu tromper ta meuf cette saison? Oh, bah évidemment. Bah, non. Mais je suis fou amour, arrêtez. Enfin, c'était Enzo et Thibaut. Alors c'est vrai que pour le coup c'est pas du tout le genre de Thibaut. Enzo non plus, il l'a jamais fait, pourquoi il le ferait cette année? Non, moi j'aimerais bien essayer cette année, ouais. Non, arrête. Je vais mettre ça dans le planning. Aux alentours du 20 novembre. Bon bah, vous savez quoi, continuez avec Vérité Vérité là, hashtag le night show, on s'en fera tout à l'heure, j'aime bien. Ça marche, et puis dans un instant restez avec nous puisque c'est le Pourquoi tu m'appelles qui va débarquer. Et puis pour le son tout de suite, Martin Garrix, lui j'aimerais bien pécho aussi tiens. Ah oui moi aussi. Voilà, bah, appelle-nous quoi. This was only gonna hurt if I warned you that the fire's gonna burn. Would you walk in, would you let me do it first, do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind, in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? you rise up, come and meet me in the sky? Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. Le Night Show, c'est comme ça que ça s'appelle cette émission, parce qu'au final, quand nous sommes nés, eh bien, nos parents nous ont donné ces blazes, et du coup, on s'est dit, on va le mettre dans le nom de l'émission. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'imagination, je crois. T'es bête. Bon, je voulais faire un point sur les artistes qu'on va recevoir bientôt dans le Night Show. Comme ça, vous êtes prévenus et vous pouvez anticiper éventuellement un passage à l'antenne. C'est vrai. On recevra Tal dans les prochains jours. Il y aura Boosty aussi, je suis fan de ce titre. Et il est cool lui en plus. Hyper frais. Il nous tweet de temps en temps, je crois qu'il aime bien un peu l'émission, le style, tout ça, un petit peu la façon dont c'est animé. Et puis on recevra aussi Alex Aliono. Alors, ce qui est marrant avec Alex Aliono, c'est que lui ne nous tweete jamais. Non. Bah oui, mais c'est un Américain. Ah, les Américains. Et alors, est-ce que c'est une excuse? Ah bah outre. Bah dis donc, c'est que ça fait de la distance. Pourquoi tu m'appelles? Bah je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui là, pauvre con? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Oui, c'est chez nous tous les soirs aux alentours de 23h. Le Pourquoi tu m'appelles qui vous permet cette semaine de gagner votre casque Beats Solo. Franchement, c'est de la bonne cam, ça vaut cher, le son est plutôt pas mal. Donc allez-y, on s'inscrit. Ouais, et tu crois que les Américains, quand ils se sont dit casque Beats, ils se sont pas dit qu'en France, ça allait poser souci d'avoir un casque comme ça? Ils avaient autre chose à faire, je pense, que de penser à la France à ce moment-là. Merci Marion pour cette explication. On joue avec Pierre ce soir. Bonsoir Pierre. Salut Marion, c'est Gwento, salut toute l'équipe. Ça va Pierre? Ah oui, ça va. Bon, et tant mieux, je m'intéresse à toi. Tu sais, je m'inquiète un petit peu, j'aimerais savoir comment on va dans la vie d'un Pierre. Ah, ça va très très bien. D'accord, qu'est-ce qu'on fait dans la vie par exemple? Eh bien, on reste par terre et on attend. Ah, d'accord. Mais Pierre, excusez-moi, c'est un début de dépression ou comment ça se passe? Oui. Mais t'as quel âge, Bichon? J'ai 14 ans. Ah, mais t'as une voix qui fait vachement plus. Ah oui, moi aussi, je croyais que t'avais plus. Et t'appelles d'où, Pierre? De Laval. Ah d'accord, donc on est encore au bahut, tout ça, quoi. Oui. Ok, mon Pierre, tu veux jouer contre qui ce soir? Contre Anso. Ok. Alors, tu sais qu'Anso, je vais évidemment te donner un handicap. Alors tout à l'heure, Thibaut m'a proposé quelque chose. Je crois que le gars est malsain. Il s'est cru sur Jackie et Michel FM. Le gars m'a dit, ce serait quand même énorme que vous fassiez le Pourquoi tu m'appelles avec un œuf vibrant entre les jambes pour voir ce que ça donne. Mais donc, ça va pas à la tête. Mais évidemment, non, mais c'est vrai qu'avec un peu de recul, c'est pas très bien. On ne le prendra pas, Thibaut, hein, parce que c'est malsain. Ça va ta vie sexuelle en ce moment, Thibaut, à l'arrêt? Écoute, ça se passe bien, j'ai des envies un peu particulières en ce moment, effectivement. Ouais, j'ai bien compris. Mais et n'hésitez pas, vous, à nous proposer des handicaps avec le hashtag Le Night Show, on peut les prendre. Et là, aujourd'hui, Anso, tu vas faire un truc que j'aime bien. Tu l'as déjà fait une ou deux fois, mais tu le tiens vachement bien. C'est la meuf un peu schizo, un peu persécutée comme ça. Ah d'accord, ok. Tu vois, la meuf, pourquoi vous m'appelez, mais qui êtes-vous? tu vois, okay, qui sait pas où elle va, qui est un peu perdue. D'accord. Qui part un petit peu, je veux dire, dans les tours, dans l'absurdité. C'est ça. Allez, on y va. J'espère que tu vas la battre, mon Pierre. Pierre, je commence et on te laissera continuer, hein, de manière autonome. Ensuite. Alors. Allô. Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi tu m'appelles ? Moi, je veux pas appeler. Mon téléphone vient de sonner. Qui êtes-vous ? Je ne comprends pas. Bonsoir. Ok. Pourquoi tu... Allô ? Je n'ai oui. pas les chèvres. Et hein, c'est vous qui m'avez appelé 4 fois ? Non, moi, je suis pas appelé. Monsieur, vous me suivez ? Qui êtes-vous ? Parlez-moi. Oui. Je ne vous entends pas. Bah moi, je veux pas appeler. Vous êtes un fantôme ? Allô ? Allô ? Monsieur, ne me lâchez pas ! Non, elle est flippante. Et c'était quoi le rapport avec les chèvres ? Bah je sais pas. En fait, souvent quand je fais un peu la schizophrène, je deviens vraiment schizophrène. Ah oui, je vois ça. Ouais, t'es flippante. Combien de temps elle a fait, Thibaut Larrea ? Elle a fait 41 secondes. Et franchement, c'était pas mal pour de l'incohérence. Hein. Non, c'est médiocre. D'accord. Ça marche. Et bonsoir, je n'ai pas d'argument. Pierre, 41 secondes à battre. Franchement, si tu connais le jeu, dis-toi que c'est plutôt simple. Oui. Allez, mon Pierre. Hein. Et Pierre, un peu de sourire là, un peu de pêche, non ? Voilà. Oh, il est stressé, bûchon. C'est moi, t'as assis par terre toute la journée. Allô ? Allô ? Oui, pourquoi tu m'appelles ? J'ai appelé personne. Ah si, monsieur, vous m'avez appelé. Absolument pas, non, c'est un numéro masqué. Ah, bah, vous m'appelez, c'est vous qui m'appelez avec un numéro masqué. Bah, j'étais tranquillement chez moi et je vois que mon téléphone sonne, je réponds, monsieur. Bon, écoutez, c'est pas la peine, on va pas épiloguer, hein. C'est qu'il doit y avoir une erreur quelque part. Ah non, il y a aucune erreur, monsieur, vous m'avez appelé. Bon, bref. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. J'adore le plein génial. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah oui, là, tu t'es fait envoyer bouler, mon pote. C'était limite, limite, à mon avis. Hein. Alors, ah oui. En même temps, t'as réussi à nous faire entendre le mot épiloguer. Et c'est ouais. quand même assez rare. Combien il a fait, Thibault Larrea ? 33 secondes. Aïe. Oh là là, t'as été plus aïe. Mauvais qu'Anso. Comment c'est possible ? J'y crois pas. Merci. Hein. Bon, bah, mon pote, je suis désolée. Malheureusement, c'est perdu. C'est la règle du jeu. Non, c'est pas grave, hein. Mais Pierre, pas de soucis pour un pourquoi tu m'appelles de rattrapage. On se donne 15 jours et hop, tu repasses. Ah, pourquoi pas ? Ah bah oui, avec plaisir. Et d'ici là, j'espère que tu ne seras plus par terre. Voilà. Relève-toi, Pierre, et marche. Allez, on se refait ça dans pas longtemps et tu vas y arriver. Tu vas gagner. Entraîne-toi, ok ? Ok. Bisous, Pierre. Salut. Ciao. Changement d'ambiance dans un instant dans le Night Show, puisque nous allons parler OVNI. Nous allons parler extraterrestre avec Fabrice. Fabrice a 42 piges, mais à l'âge de 15 ans, il a vu des OVNI. Selon lui, il en est sûr et ça a changé sa vie. Il veut nous raconter cette expérience. Si vous aussi, vous croyez aux extraterrestres, eh ben c'est le moment. 01 42 48 5000. Anne-Sophie, t'y crois ou pas ? Je suis partagée, moi. Mais bon, moi, je crois à plein de trucs. Elle est partagée. Bon, bah, thèse, antithèse. On verra ça dans un instant avec Anne-Sophie, juste après Sound of Legend. Bougez pas. Je dégaine le PowerPoint. 23h13, nous allons parler OVNI et extraterrestres là dans quelques instants. Ne bougez pas, mais juste avant, petit point sur le vérité-vérité qu'on avait lancé avant le Pourquoi tu m'appelles, parce que vous êtes tellement nombreux à nous appeler pour ça. Donc allez, on se fait encore une dernière question. Une Twitter que j'ai relevée pour toi, Anso. Vas-y. Et le bon choix, attention, c'est @marocaine qui demande vérité ou vérité pour Anso. Est-ce que tu préfères Marion ou ton chat? Ah mais c'est horrible. Je sais. Mais je peux pas choisir. Ah si, il faut. Bah tu choisis. Et si demain on te dit bah il y en a l'un ou l'autre qui n'est plus dans ta vie. Bah ouais, ça c'est ma fille, je peux pas la. Bah c'est pas ta fille, elle est pas sortie de ta teuche. Mais non. Oh, mollo Amir. C'est vrai. Mais bon, elle est avec moi tout le temps. Évidemment, je vais choisir Marion parce que voilà, mais Wacha, c'est mais évidemment, je te choisis toi. Tu me choisis à contre-cœur, quoi. Non, je te choisis. Non, mais j'ai rien compris. Avec beaucoup de plaisir, évidemment, parce que j'ai envie que nos rapports soient bons. Bon. Mais je dirais à Wacha que non. Mm-hmm. Évidemment. Il y a Quentin de Saint-Brieuc qui voulait poster une question aussi. Ah. Pas du tout Quentin, il s'appelle Cédric. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit Quentin. Bon, rien à voir en plus. Aucun rapport. Ça va, Cédric? Ouais, nickel. Bon. Ouais. Donc j'avais une question pour Yannick qui est tout jeune dans l'équipe, et j'aurais voulu savoir, en fait, parce que je savais que vous étiez sorti en boîte il y a pas si longtemps. Voilà. Et en fait j'aurais voulu savoir parmi les gars lequel dansait le moins bien. Ah, c'est bien ça. Le moins bien, il y en a deux. Je trouve ils sont au même niveau. C'est Thibaut et Anne. Et Amir? Ah non, Amir, il danse. Ah non, il danse trop bien, Amir. Autant Amir, moi, je danse comme une merde. Amir, il danse trop bien sur Gim, c'est Black M et tout. Il a le petit style. Amir, il a un délire Stromae, tu vois, un peu robotique. Ouais. C'est un style, c'est pas mal. Mais Thibaut, effectivement. J'ai pas besoin de me défendre. Non. Thibaut, je sais pas, ouais, un délire, ouais, asperge, un peu désarticulé, quoi. Ouais. Il sait pas trop quoi faire. Ah, il est complètement démembré. Je suis sûr que, d'ailleurs, ses bras lui ont été implantés par quelqu'un d'autre. C'est pas possible, ton corps fait un rejet. Non, mais c'est vrai que Yannick danse particulièrement bien, surtout avec la barre. Vous savez, quand il descend. Ah ouais, il fait du pole dance. Alors, Yannick du standard se lâche beaucoup en boîte, c'est vrai. Quand il fait du pole dance, c'est vrai qu'il est super mais sexy. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur Enzo. Enzo danse très bien. Enzo danse bien. Hyper bien. Ah bah ouais. Il a grave le rythme. J'ai jamais dit Enzo. Ah, t'as dit que. Ah oui, d'accord, t'as dit Amir et Thibaut, il a dit. Ah ouais, bon, bah, il y a que Thibaut alors. Oui, Cédric, t'avais une autre question? Non, mais je voulais savoir aussi qui c'est qui a grave profité dans la soirée et qui a pas lâché 1 euro et qui a fait le radin. Bah, moi, par exemple. Et Yannick, vas-y, qui selon toi? Selon moi, le plus radin de la bande pour l'instant, c'est Enzo. Hein. Ouais, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Enzo, en fait, il est pas radin, mais s'il peut profiter, il va profiter tranquille. Tu vois. C'est pas lui qui va dire, les gars, qui a payé, je peux m'y mettre. Tu vois, il va, tu vois, ah non. Il va passer quoi. Déjà ouais, personne n'a payé à cette soirée. Enzo, c'est une grosse douille. Pardon? Non. Yannick et Thibaut ont lâché grave de la thune. Ah ouais. Et ça fait des jours qu'on leur dit, on va vous rembourser. Et on ne lâche rien du tout, les mecs. Et moi, j'ai fait le coup à Thibaut aussi pour un autre verre. Je dis, mec, je vais te rembourser tranquille. Ouais, c'est ça. Bah, jeudi soir, en fait. Voilà. C'est ça. Bon, bah voilà, Cédric, t'as encore bien foutu la mouisasse. Est-ce que je peux poser une dernière question, franchement, qui me tenait à cœur? Rapide. C'était savoir, dans toute l'équipe, est-ce que vous avez déjà craqué, fantasmé ou même passé à l'acte, c'est-à-dire rencontrer un auditeur? Oh, ah, tu veux dire coucher avec un auditeur? Non, rencontrer, boire un verre, ou après, ouais, peut-être coucher, mais je sais rien, mais. Écoute, alors moi je suis déjà sortie avec des gens qui savaient ce que je faisais, qui m'écoutaient, tu vois, mais qui n'étaient pas non plus auditeurs assidus. Après, quelqu'un que j'ai rencontré via la radio, tu vois, non, honnêtement, moi jamais. Non plus. Okay. Moi, Cédric, je couche uniquement avec des gens qui n'écoutent pas cette émission, et en fait, je leur fais écouter cette émission. Voilà. Donc c'est comme ça que je recrute les auditeurs, moi. Voilà, c'est pas mal. Okay, ben voilà, tu sais tout, Cédric. Merci beaucoup. Et surtout, continuez comme ça, toute l'équipe. Je vous adore, franchement, c'est agréable de vous écouter sur la route. Parce que là, je vais au travail. Donc, je vais prendre le taf demain. Et donc, je fais la route toute la nuit. Là. Donc, super, franchement, continuez comme ça. Vous êtes géniaux. Ah, t'es un peu. Bon courage à toi. On t'embrasse. Ouais, merci, c'est gentil. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un pack fan ou quoi? Oui, bah, pas de soucis avec tous ces compliments. On t'en envoie. Non, franchement, je le pense sincèrement. Et franchement, continuez comme ça. Mais nous aussi, on t'aime, Cédric. Bisous et fais attention. Merci. Sur la route. Bisous. Ouais, merci, bisous. Bon, les copains, changement d'ambiance maintenant. Vous l'avez promis, nous allons parler OVNI et extraterrestres, puisque c'est Fabrice qui nous a appelé. Fabrice, 42 ans, nous a appelé pour parler de ça. Il a vécu un truc étrange à l'âge de 15 ans. Est-ce qu'il est là, le oui, Fabrice? Oui, il habite à Aurillac, là où il fait froid. Bonsoir, Fabrice. Voilà, c'est le point froid de la météo. Bon, ça va, Fabrice? Ouais, ça va, ouais. Il y a un festival à Aurillac aussi. Ah, c'est un peu mieux, en août. Festival de rue, ouais. D'accord. Bon, plus connu pour ça aussi. Tu nous appelais pas pour parler d'Aurillac, tu nous appelais pour parler d'OVNI. Oui, c'est un OVNI. D'OVNI, c'est, disons que ça s'est passé sur Aurillac quand j'étais jeune. Mm-hmm. C'est ça le point particulier d'ailleurs de mon témoignage. Pourquoi? Disons que je vais vous expliquer. Donc, en fait, j'avais 15 ans, donc j'avais ma mobylette. Je montais jusqu'à chez moi sur une côte très escarpée, donc la mobylette montait pas, donc je la poussais à côté. Mm-hmm. Et tout d'un coup, je lève la tête. Et là, je vois un truc, mais immense. Enfin, de la taille d'à peu près deux terrains de foot. Ah oui. Parce que je me suis documenté depuis. Donc, ça fait effectivement la taille de deux, trois terrains de foot, ce que j'ai vu. Et en fait, surtout sans bruit. Je me rappelle parce que j'avais la mobilette à côté. Donc, du coup, j'ai jeté la mobilette sur le côté. Et je me suis mis presque à prier. Enfin, je me suis mis à genoux en disant, ils sont là, ils sont là. Enfin, ça m'a paru comme un déclic sur le coup. D'accord. Parce que c'était tellement extravagant, enfin je veux dire, c'était ni un avion, enfin ça parlait, ça passait en rase-motte, très, très près du toit des maisons. Juste, ça avait la forme d'une soucoupe, enfin, je n'ai pas compris que c'était grand. Non, je pourrais pas dire la forme générale, parce que ça passait très près, ouais. Et c'était pas, enfin il y a plusieurs formes d'ovnis suivant les observations, après on retrouve à peu près les mêmes, mais il y en a plusieurs sortes quand même. Mais t'as dû avoir trop peur, qu'est-ce que t'as fait? Ben non, justement, c'est ce que me demande tout le monde. Est-ce que t'as eu peur? Eh ben non, j'étais joyeux, vraiment. Mais c'est un moment de bonheur. Ah bon? Ah oui, parce que je savais que c'était le moment de ma vie. Sur le coup, tout de suite j'ai compris, quoi. Parce que en fait, je vous explique, c'est que ça fait aucun bruit. C'est-à-dire, c'est passé près du toit des maisons, mais j'aurais pas levé la tête. À la limite, je l'aurais pas vu. Fabrice, est-ce que d'autres gens l'ont vu? Est-ce qu'il y a eu un papier sorti? Oui. Mais justement, toutes les observations corroborent ce que je dis, c'est-à-dire qu'en général, il n'y a aucun bruit. Mmh. Que ça soit des boules, que ça soit, il y en a qui sont en forme de cigare allongée, il y en a qui sont en forme de soucoupe, effectivement. Sinon, il y en avait. Bon, donc moi, en fait, c'est arrivé en novembre 89. En même temps que la vague belge. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la vague belge. Ah, pas du tout, moi. Pas moi, Marie. Bah si, c'est des phénomènes qui sont arrivés en Belgique. Voilà, mais ce soir-là, le même soir que moi, il y a eu des milliers d'observations sur tout le territoire belge. De gens qui ont venu, ils ont vu des engins en forme de triangle. C'est ouf, hein. En Belgique. Moi, le mien, c'était pas un triangle du tout, c'était beaucoup plus gros d'ailleurs que ce qu'ils ont vu. Alors, Fabrice, j'imagine, t'as pas eu l'occasion de prendre une photo ou quoi? T'étais trop. Eh ben non, j'avais pas d'appareil. Ouais. En 89, on avait pas de portable. Mais depuis, j'ai vu des lueurs, il y a pas longtemps, c'est la deuxième fois de ma vie depuis 89. Des lueurs vertes qui tournaient autour d'un arbre. Et là, j'avais mon appareil à côté parce que je me suis dit, je vais toujours avoir un appareil pas loin au cas où. Mais c'est malin. C'est un peu comme des esprits animaux. Ils savent ce qu'on pense. Mais t'es sûr, Fabrice, que c'était pas genre un rayon laser d'une boîte de lumière? Ouais, ça c'est possible. Par contre, 89, c'était pas ni rayon laser, ni drone, ni hélicoptère, ni rien. Ça faisait pas un bruit et c'était immense. D'accord. En fait, en 89, en Belgique, tout le monde disait, effectivement, ça fait pas de bruit. Hein. Sur toutes les observations qu'il y a eu, c'est l'absence de bruit qui marque. Il avait envie de parler. C'est normal, quand t'as vécu une expérience comme ça. Le temps s'arrête carrément, et là, on est dans un moment de bonheur intense. Ouais. OVNI, ça veut pas dire extraterrestre. Hein. Non, je sais pas. Pour moi, ça serait des drones. Mon explication à moi, c'est que c'est des drones envoyés par des hommes du futur qui auraient réussi à savoir comment on remonte dans le temps. Mais de remonter dans le temps, ça doit pas être faisable pour un homme au niveau atomique. Donc ils envoient des drones. Fabrice, ce qu'on va faire, parce vous comprenez? J'ai bien compris ton témoignage. Comme les 4400, je sais pas si vous êtes les 4400, Fabrice, c'est le sujet de la série. Depuis que t'as rencontré les extraterrestres, toi, on peut plus te couper. Hein. Ah ben non, parce que ça donne une force, hein. C'est-à-dire que la vie change complètement. Hein. Je comprends, Bichon, mais ce qu'on va faire... C'est comme si j'avais un Transformer à mes côtés. D'accord, il y a plein de témoignages là, il y a plein de gens qui appellent au standard, donc on va les prendre parce que c'est quand même exceptionnel. A priori, Fabrice n'est pas le seul à avoir vu des extraterrestres. Donc moi, j'ai aussi des histoires pour vous, je vais vous les distiller un petit peu comme ça. C'est des vraies histoires, après on n'y croit pas, hein. Mais c'est des phénomènes qui sont arrivés comme ça dans le monde entier. Vas-y, raconte. T'en veux un? Ouais. L'étrange créature filmée à une station essence. Est-ce que t'en as entendu parler? En gros, il y a des agents de sécurité qui auraient aperçu une créature longer un parking. Sur les vidéosurveillances, tu vois une créature brillante qui mesure plus d'un mètre de haut, avec plusieurs jambes et dotée d'une sorte de dôme supérieur. C'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Sur la vidéo, elle est là. Et en fait, à un moment donné, t'as le camion qui la heurte et la créature disparaît. Mais attends, mais combien de jambes? Plusieurs jambes. Ça doit être très pratique, cela dit. Et ils ont des images de ça. Donc évidemment, c'est tenu secret, etc. Mais il y a plein de vigiles qui l'ont vu. Et c'est en France? Non, c'est pas en France. D'accord. C'est dingue, non? Bah oui, mais je sais pas dans quel pays c'est, mais c'est flippant. Hein. Surtout que moi, je me suis toujours imaginé que s'il y avait des extraterrestres, ils étaient pas comme dans les films, avec plusieurs membres et tout, tu vois. Ils étaient plus classiques, quoi. Je sais pas comment je les imagine. Moi, je crois que je les imagine pas. Bah, un jour, moi, j'ai vu une réunion de chats. Je vous jure, c'est vrai. C'est quoi le rapport? En face de chez moi, il y avait genre 6 ou 7 chats. Ils étaient. Non, mais vous rigolez, mais c'est vrai. Ils étaient en rond. Bah, c'est en squat, quoi. Non, ils étaient en rond, assis, mais parfaitement en rond, assis. Mais oui, d'accord. C'est des chats qui essayaient de communiquer entre eux. Je veux dire, c'était pas des extraterrestres. C'est des réunions de chats, d'accord, mais enfin, il y a rien d'extraordinaire. Ça reste des chats. Vous, quoi. Ça ne vous gêne pas des réunions de chats? Non. Genre 7 chats assis par terre en rond en train de se mater, ça ne vous gêne non. pas? Bah, ils non. font leur vie et je pense que si c'était des extraterrestres, ils feraient ça plus subtilement. Oui, Enzo. Moi, je pense qu'ils étaient en train de faire un chat. Mais pas marrant l'histoire. Si, il fait pas rire. Vas-y, rentre-toi. On a Lou de Dreux qui nous a appelé. Bonsoir Lou. Bonsoir tout le monde. Salut Lou. Ça va Lou? Ça va, ça va. Alors est-ce que toi tu y crois? Oui, parce que j'ai eu une petite expérience un petit peu bizarre aussi. Et bah, en fait c'était en plein été, je dormais, il faisait super chaud et je me suis réveillée. Et bah, quand vous voyez, enfin, c'est voilà, c'est la nuit quoi. Donc voilà. Et moi j'ai eu un flash, mais qui éclairait, mais vraiment, mais comme un plein jour. Et bah, j'ai couru à la fenêtre, mais et du coup je cherchais d'où ça venait la lumière, donc je pensais que c'était une lampe torche ou des phares de voiture, mais en fait j'arrivais même pas à situer la provenance de la lumière. C'est pas comme un rayon lumineux en fait d'une lampe torche par exemple, on voit d'où ça vient. Là c'était vraiment mais comme si j'étais en plein jour, mais vraiment. Et c'était mais flippant, mais j'arrivais même pas à parler, crier, hurler. Je pouvais pas. J'étais là, j'étais bloquée, je regardais cette lumière. Et en une fraction de seconde, tout s'est arrêté et je me suis retrouvée dans le noir. Horrible. Mais t'es sûre que t'as pas rêvé? Bah non. Ah non, j'ai pas rêvé parce que j'étais, franchement, après, bah voilà, j'étais devant la fenêtre, j'étais câblée devant cette lumière. Et quand la lumière a arrêté, mais je suis vraiment tombée par terre, quoi. Enfin, vraiment, je suis tombée, mais estomaquée, quoi. Tu sais, Lou. Et après, j'ai couru prévenir mon copain qui dormait à côté de moi. Il fait, mais t'es arrivé, il m'a pris pour une folle, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'on te croit pas, en fait. On te croit pas. Mais non, et j'ai jamais reparlé de cette histoire tellement ça m'a fait flipper, quoi. Alors, je comprends que ce soit flippant, la lumière, mais il y a pire. Écoute bien ce que je vais te raconter, Lou. C'est arrivé à un mec qui s'appelle Barney Broom et on a la preuve de ça. Un jour, en gros, il décide de rénover son grenier. Donc, il range des vieilles affaires, tout ça, et là, il tombe sur un bocal dans lequel baignait une créature inconnue d'une trentaine de centimètres. C'est horrible. Et sur un des pieds de la créature, on trouve un numéro de série. Hein ? Comment ça, un numéro de série ? Un numéro, comme un code-barre avec un numéro de série. C'est le ticket de caisse. Mais non, mais c'était peut-être une statue décorative. Non, c'était une créature, Anso, qui vivait dans le bocal. Mais elle n'était pas vivante. Mais si. Elle était. Mais après, tu peux pas savoir, mais tu vois, c'était une. Barney Broom. Bah déjà il s'appelle Barney le pauvre. Bah oui, c'est l'histoire. Mais t'imagines, tu vas dans ton grenier, déjà c'est flippant en grenier. À la base. Et là tu tombes sur ça, mais c'est horrible. Ouais, c'est affreux. Tu vois Lou, il y a pire. Ouais. Il t'est plus rien arrivé après Lou? Non, pas spécialement. Attends, on a la photo là du bocal, c'est dégueulasse, on est d'accord? C'est horrible, on va vous la mettre sur les réseaux sociaux. La créature avec un numéro de série, le gars a trouvé ça dans son grenier. Par contre, j'ai pas encore le numéro de série. Hein. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Devant lui, ouais. Lou, merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci à vous en tout cas. On t'embrasse. Bisous. Salut. Est-ce que vous voulez une histoire racontée par la NASA? Ouais. Ah bah oui, parce qu'on aime bien la NASA, nous. En gros, il y a des spécialistes de phénomènes spatiaux paranormaux qui pensent avoir repéré la silhouette d'un petit martien sur l'un des clichés diffusés par la NASA. Ouais, je l'ai vu. Donc sur l'image, les ufologues, c'est les spécialistes, hein, ils affirment qu'on remarque une créature aux bras tendus derrière le bloc rocheux. Et apparemment, l'extraterrestre aurait une énorme paire d'yeux et un appendice osseux sur le crâne. Ils arrivent à voir tout ça sur l'image et ils en sont sûrs. Ils voient les bras, ils voient les yeux, ils voient l'appendice. C'est sur quelle planète ça? Ils disent pas, je sais pas du tout. C'est sur une planète, mais je pense que ça se trouve sur internet, c'est un truc de malade. Mais moi je crois je suis sûre qu'il y a des planètes où il y a des. Dans la galaxie, je suis sûre qu'il y a des planètes où il y a des gens qui vivent exactement comme nous et qui font tout comme nous, quoi. Tu crois? Genre, il y a une autre mais émission on le de radio qui s'appelle Marion et Anso. Enfin, tu sais, tu vois, je suis sûre. Bah, regarde, Boulard 2000, on est copiés. Il y a d'autres Barack Obama, il y a d'autres gens, tu vois. Ouais, par exemple, aux États-Unis, il y a une zone qui s'appelle Area 51. Ouais. Et celle-ci, elle est flippante. Et même sur Google Maps, eh ben, c'est flouté. Oui, tu peux pas accéder, tu peux pas avoir d'image et tout, ouais. Tu peux pas voir. Et les gens, après, bon, vrai, faux, j'en sais rien, ils spéculent sur cette zone en disant que là-dedans, il y a des extraterrestres et plein de trucs. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah, de toute façon, on l'a vu dans Independence Day, hein. Ils y vont à la zone 51, puis il y a des extraterrestres, je peux te le dire. Ouais. Et alors, moi, j'ai une dernière histoire. Alors, celle-ci, vraiment, j'ai du mal à y croire. Il paraît que c'est vrai. Il s'appelle Simon Parkes. C'est un extraterrestre pour Vermont. C'est comme ça. C'est le titre que j'ai donné à cette histoire. En gros, il est âgé de 53 ans. Il est marié et père de 3 enfants. Et il y a quelques jours, le gars a déclaré dans la presse, au cours d'un documentaire TV, qu'il entretenait une relation extraterrestre avec une personne extraterrestre. C'est un truc de malade. Attends, 4 relations sexuelles par an, a priori. Et il serait même le père d'une petite créature mi-alien, mi-humaine, nommée Zarka. Bah dis donc, ça a pas beaucoup de libido un extraterrestre, parce que 4 fois par an, c'est quand même pas beaucoup, non ? Et alors lui, il dit qu'en gros, il est issu d'une relation mi-humaine, mi-extraterrestre. C'est ouf, hein. Et sa mère d'origine, elle aurait 8 doigts, une taille de 9 pieds de hauteur, enfin, un truc de malade. Ouais, là, le mec, ça fait quand même un peu beaucoup, non ? Ouais, mais le mec est très sûr de lui. Et tu le crois, toi ? Bah je sais pas pourquoi pas, en fait. Pourquoi il y a pas des extraterrestres qui auraient copulé avec des humains ? Bah je sais pas, parce que peut-être que ça se saurait, du coup, non ? Je sais pas, bah enfin, on serait peut-être au courant, on aurait peut-être rencontré cette Zarka. Bah ça commence à se savoir a priori. Puis Zarka, c'est un peu cliché, non, comme nom d'extraterrestre. Ouais, chelou. Moi je suis sûr que les sourcils d'Amir, c'est des extraterrestres déjà. Ouais. Bon Fabrice, tu vois que t'es pas le seul, hein. Bah non, ça me rassure. On n'est pas seul dans l'univers. On nous observe, en tout cas, ça c'est sûr. Et d'après les Indiens, depuis des milliers d'années. Voire 100 000 ans, voire 10 000 ans, quoi. Ah bah, si les Indiens le disent. Tu te sens observé, toi ? Mais bon, les Indiens sont disent la même chose que moi, il y en a différentes formes. Hein. On voit pas tous la même chose. Par exemple, le flash, j'ai pas vu un flash comme la fille de tout à l'heure. Ouais, mais ça, Moi, il n'y avait pas des grosses lumières, c'était même plutôt gris, mais très lumineux quand même. Fabrice, ce que je te propose, c'est qu'on refera un débat là-dessus parce que c'est hyper intéressant. Mais merci beaucoup de nous avoir appelés, t'es un amour et franchement, ton témoignage, il pue le vrai, quoi. Donc moi, j'aime bien. Ouais. Voilà. Fabrice, on t'embrasse, des poutous, mon poulet. Bisous, mon Fab. Bisous. Allez, on demande à Pépère ou pas s'il croit. Évidemment. Ouais. Allez, après on arrête là-dessus. Pépère, est-ce que tu crois aux extraterrestres ? Bah Pépère, lui, il croit aux extraterrestres. Il a même déjà croisé quelques-uns. Et comment ça s'est passé avec eux alors ? Bah Pépère, il les a enculés tellement fort qu'ils sont retournés sur leur planète de pédale. Mais ça, tu n'utilises pas ça, hein ? Non, mais tu dis pas ce genre de mots. Non, même à des extraterrestres, enfin. Ça n'a aucun sens, quoi. En plus, ils ont des grandes queues. Oui, bah oui. Voilà, ça c'est bien, quoi. Par contre, on dit pas culé, hein, ça ne veut rien dire. Hein. Et on corrige pas, hein. Restez avec nous dans un instant sur Fun Radio, c'est le Pokélos qui va débarquer. Et pour le son, c'est Calvin Harris tout de suite, découvert ici sur Fun Radio. Je suis fier comme un coq. C'est tout de suite My Way sur Fun. My way to say, at least I did it my way. My way to face. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. I did it my way, my way to face. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Chaque soir, du dimanche au jeudi jusqu'à minuit, on est très content d'être avec vous. Et l'équipe, petite interro surprise, j'aime bien, comme ça tu peux vous prendre au dépourvu, à brûle pour point. Marion, en un mot, est-ce que tu pourrais décrire un peu le night show et donner un petit peu envie comme ça de nous écouter chaque soir ? En un mot, je peux pas, mais je dirais bon son, gros cadeau et bon conseil. D'accord. Pas mal. Thibaut, alors rien ? Moi, je dirais poitrine. Pas mal, poitrine. C'est vrai, beaucoup d'imagination. Yannick, au standard ? Sexe. Ah, bon, mais pourquoi ? Ah, parce qu'on parle de sexe. Oui, mais pas que ça. Oui, mais il a raison, ça quoi. Donne envie aux gens. Ouais, bon, bah alors là, je vais dire tub. Mais non, Anto ! Ah, j'ai pas. Le Poké Lost. Sur Fun Radio. Mais t'as pas plus racoleur que Tub quoi. Bah non mais je sais pas moi, il faut donner envie aux gens. Alors voilà, bah, j'ai y pas y d'autres choses. Par exemple Pokélost. Ah oui c'est pas mal ça. Ça c'est un truc qui donne envie, le Pokélost. La règle est très simple, vous piégez papa ou maman, vous leur faites croire que vous êtes perdu en train de chasser du Pokémon. Et s'ils acceptent de venir vous chercher, vous repartez cette semaine avec 400 euros de fringues American College, c'est énorme. Ouais la marque est chambée, c'est beaucoup de bombers, des teddy, des trucs comme ça, histoire d'aller avec beaucoup de style au lycée quoi. Voilà tout ça grâce à la sortie du film Vert Émeraude qu'on vous envoie aussi au DVD. Gros pack cadeau là. Hein. Oui, parce que les DVD portent des bombers. On joue avec Guillaume ce soir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Marion, bonsoir Anso et bonsoir le Night Show. Oula, il est chaud. Ça va Guigui ? Eh ben tranquille, tranquille et vous ? Bah ouais, t'as quel âge mon pote ? Eh ben j'ai 16 ans, 16 ans de Toulouse. Guillaume, est-ce que vraiment tes potes t'appellent Guigui ? Bah oui. Ouais, ben j'avoue, oui, oui, oui. Ou alors bien c'est Guitou. Ouais, ou la Guitounuche. Alors la Guitounuche, on piège qui ce soir, papa ou maman ? Papa, papa, ouais, ouais, papa. Ouais. Papa, d'accord. Il est comment, papa ? Alors, des fois, il va pas s'énerver, mais quand c'est vraiment genre des sujets graves, comme par exemple là, le Pokémon, il va vraiment péter un câble. Ouais. Bah, sujet grave. J'ai peur que, ouais. C'est pas vraiment un sujet grave. Oui, non, ça va. Ouais. Il s'appelle comment, papa, Guillaume ? Il s'appelle Stéphane. D'accord. Ok. Et est-ce que tu as prévu un petit scénario ? Tu serais où ? Comment ça se passe ? Ouais, je vais dire que je suis genre à 100 km de Toulouse, du côté de Pau. Et que voilà, j'ai fait du stop pour aller chasser un Pokémon, car j'ai vu sur le radar à Pokémon qu'il y avait ben, Pikachu. D'accord. J'ai fait du stop, sauf que le mec, il est pas très chaud. Enfin, ouais. C'est un délire comme ça. On est d'accord que Pikachu, c'est vraiment celui qui est dur à avoir. Ah ouais, moi, ouais. Je le veux trop en plus. Ok, et eh bien écoute, on va voir ce que ça donne. Redis-moi, il s'appelle comment, papa ? Stéphane. Il s'appelle Stéphane, ouais. Ouais allez, c'est parti, Guillaume, on appelle papa. Bonne chance à toi, la Guitounuche. Tu sais qu'un surnom, normalement, c'est censé raccourcir. Oui, mais quelque part, je suis un petit peu unique avec tous ces surnoms. C'est vrai. Oui, allô ? Oui, allô, papa ? Oui, oui, c'est Guillaume. Ouais, ça oui, ouais, ouais, très bien, très bien. Bon, ben, je tapais parce qu'en fait, tu vois, l'application, la Pokémon. Oui, et ben, j'ai joué et tout. Et Tristan, il m'a montré une application que c'est Radar à Pokémon. Du coup, en fait, ouais. on voit tous les Pokémon sur l'application Radar. Sauf qu'en fait, ben, j'ai regardé la carte et il y avait Pikachu. Sauf que Pikachu, en fait, il était à 30 km, il était à 100 km de Toulouse, il était du côté de Pau. Donc, en fait, voilà, donc j'ai essayé. À 30 km, c'est à 200 km Pau. Oui, oui, ben 200 km, pardon. Ouais. Et donc en fait, j'ai essayé de faire du stop car ben il y avait pas de bus le dimanche et tout. Il y a pas de bus dimanche. Attends. Tu as fait du stop pour aller à Pau ? Attends. Ouais. Elle est au courant, maman ? Non, elle est pas au courant. Mais justement, je t'ai appelé à toi parce que je pensais que comme je termine tard ce soir. Non mais attends. Il a été où là ? Mais là, je suis à Pau. Je sais pas. Je suis perdu dans Pau. Mais n'importe quoi. Là, c'est n'importe quoi, Guillaume. Il faudrait que tu viennes me chercher, là, en fait. Ah oui, je vais venir me chercher. Je suis au boulot, je vais faire 200 bornes. Non, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette énergie, là, encore ? Je suis tout seul, j'ai peur. Là, si t'es perdu dans le pot, tu vas, je sais pas, tu vas à l'hôtel de ville, tu vas au centre-ville, déjà, premièrement. Et je vais appeler ta mère pour voir comment on fait, là, mais c'est n'importe quoi, là. Là, franchement, je suis pas d'accord. C'est quoi ces conneries, quoi, encore hein. Et oui, mais j'ai voulu faire du stop, sauf que là, ben voilà. Ouais, non, c'est pas de stop, déjà, quoi. Et oui, mais sauf que. Bornes, quoi. N'importe quoi. Et en plus, surtout qu'il y a des gens qui sont bizarres et tout dans la rue, là. Oui, il y a des gens qui sont bizarres, mais tu pars, tu essaies de regarder sur Google Maps la direction du centre-ville et tu vas vers le centre-ville, c'est ça. Mais il faudrait que tu viennes me chercher, en fait. Oui, mais je vais appeler ta mère, on va venir te chercher, oui, mais qu'est-ce que c'est que ça va mal se passer, quoi. N'importe quoi, franchement, quelle idée d'aller à Pau, non, mais. Mais c'est parce qu'il y avait, Pikachu, donc du coup. Oui, Pikachu, il y en a partout, non mais n'importe quoi. Hein. Attends, c'est à 2 heures de route, hein, Pau. Non mais n'importe quoi. Oui. Mais bon, voilà. Tu m'envoies l'adresse où tu es exactement, tu bouges pas, tu vas vers le centre-ville. Non. D'accord Non mais là où il y a du monde, tu vas dans un bar, tu vas là où il y a du monde, d'accord ? Non mais 2h30, on peut pas le laisser partir. Non mais comment ? Non mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Non, alors là, on n'est pas d'accord. Bonjour Stéphane. Oui, qui c'est ? Allô ? Bonsoir, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il est en sécurité, Guillaume. C'est Marion et Anso et vous êtes en direct sur Fun Radio. Ah, bravo. Ah, bah, super. Bah, merci. N'importe quoi. Ah, c'est engueulé aussi. N'importe quoi. N'importe ah oui. Oui, alors c'est vrai. C'était une petite blague. Tout va bien. Stéphane, j'ai l'impression que vous n'aimez pas beaucoup Pau. Comment ? Je n'aime pas beaucoup de quoi ? Vous n'aimez pas beaucoup la ville de Pau. Ah si, mais c'est un peu loin quoi. Ah, bah, oui. Bon, et tout va bien. Guillaume, en fait, il participait juste à un jeu pour vous rendre fou et je crois que ça a marché. Et il est à Toulouse là ou quoi ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Bon, d'accord. Oui, je suis à Toulouse, pas de problème. Ouais, ben bravo. N'importe quoi. Bravo. N'importe quoi. Bon, hey, Stéphane, vous avez été un super papa. En plus, vous avez accepté de venir le chercher malgré les 2h30 de route. Du coup, et bah, c'est gagné pour lui. Bravo. Guillaume, tu repars avec 400 euros de bons d'achat pour la marque American College et puis le DVD Vert Émeraude, ça part chez toi. Oh, mais là, je suis trop content. Merci Marion Enzo, c'est top là. Dès que je rentre avec Fun Radio, c'est top. Merci. Alors, je pense que la moindre des choses serait au moins d'offrir le DVD à papa. Hein. Ah oui, bien sûr. Voilà. Par contre, les 400 balles, tu les gardes pour ta face. Voilà. On vous embrasse tous les deux. Bon, merci à vous. Bisous. Merci, bonne soirée. Vous aussi, inscrivez-vous au PokéLost. Là, ça se passe par mail. marionetanso@funradio.fr. Si jamais vous avez la flemme, les mails, c'est compliqué, tout ça. Un petit MP Facebook, on est connecté, on est là. Voilà. On est partout. Et pour faire de la radio avec nous, 01 42 48 5000. Dans un instant, nous allons accueillir Léo. Léo a un souci, alors là franchement il est dans de beaux draps comme dirait Enzo, expression du hub. En gros je vous explique, il a fait l'amour dans un parking avec sa copine, jusque là assez classique, c'est déjà arrivé à tout le monde. Ouais. Non, jamais moi. Ok, bon bah c'est arrivé à certaines personnes. Sauf que du coup il y a une connaissance à lui qui a filmé avec son téléphone les caméras de surveillance. Le mec est vigile en fait dans le parking, donc il a tout vu, il a tout récupéré et maintenant il fait pas chanter, mais en gros il lui dit voilà j'ai les vidéos etc, donc il sait pas du tout ce qu'il va pouvoir en faire et ça le stresse Léo. C'est horrible. Ouais, c'est un peu horrible. Et encore lui, à la limite, c'est un garçon, tout ça. La fille, t'imagines ? Ouais, c'est franchement, chaud, ouais. C'est hyper chaud. Ouais. Donc voilà, on avait envie de parler de ça. Chantage à la vidéo, sex tape. On parle de ça dans un instant, juste après Lady Gaga sur Fun. 23h42, on va parler que dans un instant avec Léo qui a un souci avec une sextape là qui est entre les mains d'une mauvaise personne. Mais avant ça, j'aimerais quand même féliciter une artiste qui nous écoute souvent, c'est Selena Gomez. Ah là là, Selena a passé les 100 millions d'abonnés sur Instagram. Ouais. 100 millions. C'est indécent. Alors là, j'hallucine. Je suis sur son Insta justement. Il y a des photos qui montent à 10 millions de likes. Ouais, c'est ouf. Par contre, elle a pas posté depuis un mois là. Ouais, mais alors ces photos, franchement, c'est du lourd. Elle est tellement belle, c'est abusé. En même temps, c'est Selena Gomez aussi. Hein. Ouais, non, mais franchement, il est bien tenu son Insta. Moi, j'aime bien. 100 millions d'abonnés, énorme. Donc suivez-nous, hein, Marion et Anso. L'objectif est d'arriver à battre Selena Gomez avant la fin de l'année. Voilà. Easy. Voilà, c'est ça, finger quoi. In the noise. Bon, je crois que c'est le moment de parler fion dans l'émission avec Léo d'Agen qui est avec nous. Bonsoir Léo. Salut Marion, salut Anso, toute l'équipe. Salut. Ça va Léo? Léo, ça va, nickel. J'ai une question pour toi, t'as pas trop faim? Pourquoi? Non, ça va. Parce qu'il a Agen. Ah, ouh là là. Parce qu'il habite Agen. Pour moi. D'accord, tu peux sortir effectivement, t'étais sur la bonne voie. Va-t'en Enzo. Il est vraiment pourri ce soir Enzo. Il est déchaîné ce soir. Alors Bichon, au moins il a détendu l'atmosphère, qu'est-ce qui t'arrive? En fait moi j'ai un petit problème de sextape comme tu le disais tout à l'heure. Il se trouve que j'ai fait l'amour dans un parking souterrain avec ma copine. Et le problème c'est que le gardien, qui est en l'occurrence quelqu'un que je connais, a filmé avec son téléphone l'écran de surveillance sur lequel... nous, on apparaissait parce que c'était filmé dans le parking souterrain. Ok. Et du coup, je lui ai demandé de supprimer la photo parce qu'il m'a envoyé un petit message Facebook avec un screenshot en me disant, foutant un peu de ma gueule, quoi. Ah, c'est pas bien. Ouais. Et je lui ai dit, supprime, quoi, ou montre-moi que tu supprimes parce que pas cool. Et il refuse de le faire. Et du coup, j'ai vraiment peur qu'il m'amène au chantage ou qu'il me pousse un petit peu, je sais pas où, et ça me fait un peu flipper. Après, peut-être qu'il veut garder la sextape parce qu'il trouve que c'est très artistique. Mais ouais, mais moi du coup ça me rassure pas du tout, tu vois. Ouais, mais après moi ce qui me rassure c'est que je me dis quand même, je sais pas ce que t'as vu sur le screenshot, mais il a filmé les caméras de surveillance, c'est dans un parking, c'est sombre, est-ce que vraiment on voit ton visage par exemple? Je sais pas, j'ai pas bien fait attention parce qu'il m'a jamais montré la vidéo, il m'a montré que j'ai reçu que le screen de l'écran de caméra, quoi. Après, parce que c'est pris de loin, on est d'accord, c'est pas un gros plan, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ah non, c'est pas un gros plan sur notre tête, non. Ça reste des caméras de surveillance, c'est pas de la super qualité non plus, donc on peut pas, si on voit pas ton visage et qu'on voit juste deux personnes faire l'amour de loin, ça peut être n'importe qui, hein. Après, il faudrait que j'arrive à voir la vidéo, quoi. Mais enfin, tu peux pas te retenir et attendre. Oh, il a raison, dans un parking c'est sympa. Ah oui, mais je trouve ça glauque. Après, on est d'accord que t'as rien à cacher, t'as pas une femme, quelqu'un qui pourrait tomber dessus et où ce serait un drame. Ah non, absolument pas, c'était tout à fait dans les règles de l'art, il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais, mais après c'est pour ta meuf aussi, c'est vachement mignon, quoi. Non, puis c'est vrai que c'est toujours déplaisant, tu sais qu'il y a des gens comme ça qui ont des vidéos de toi, t'as pas envie, quoi, t'as envie que ça t'appartienne. Oui. Moi je comprends, après je vois pas trop ce que tu peux faire, tu vois, parce que comme il a rien fait, il l'a pas utilisé, il l'a pas diffusé sur le net, tu peux pas porter plainte ni rien. Je pense pas qu'il puisse porter plainte comme ça, y a rien. Ah bah non, si c'est rien passé, je pense pas. Ouais. Après, il a pas le droit non plus, le gars, de filmer comme ça des vidéos de surveillance, donc peut-être renseigne-toi quand même auprès des flics, mais je sais pas si c'est une connaissance, t'as peut-être pas envie de te brouiller non plus. Bah, c'est pas forcément un ami à moi, c'est juste quelqu'un que je connais de pote à pote, et voilà. Après, ce qui m'emmerde vraiment, ouais, ça serait qu'il m'amène à, pour moi, il l'a pas fait, mais qu'il m'amène à, je sais pas, à me faire chanter, me demander n'importe quoi, en me disant sinon je balance les vidéos. Et là, ce qui m'inquiète d'un coup, c'est que si c'est pas un ami à toi, c'est juste une connaissance, et qu'il t'a quand même reconnu, c'est que sur la vidéo, on doit bien voir ton visage. Ouais, c'est possible. Bah, faut croire. Oh, tu t'es mis dans un beau bourbier. Ah oui. Bon, Léo, on va voir ce qu'on peut faire. On va essayer de trouver des solutions. On va se renseigner si tu peux pas quand même aller voir les flics, trouver quelque chose. Et sinon, peut-être lui mettre la pression. On va essayer de trouver, on va réfléchir. Tu restes là? Ça marche, pas de soucis. Allez, bouge pas. On règle ce souci dans un instant. Et vous, appelez-nous 01 42 48 5000. Si jamais vous avez fait une sextape, que quelqu'un d'autre l'a en sa possession, que c'est la merde, que vous regrettez, un ex, n'importe, appelez-nous, on partage et on rassure Léo. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans le Night Show. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. La famille Bruno dans la radio, petit test. Répétez à toute vitesse, Gadekev. Gadekev. Tu vois, c'est compliqué. Hein. Bon, vous avez tout le week-end pour vous entraîner, car lundi matin, sur Fun Radio, en exclusivité, Kev Adams, Gad Elmaleh seront là pour nous parler de leur spectacle Tout est possible avec Fun Radio. Gadekev. Ouais, c'est bon, entraînez-vous, vous avez tout le week-end. Bruno dans la radio. Revient demain sur Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Salut, c'est DJ Snake sur Fun Radio. Radio. Less on dance floor. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. You might knock me down. You might knock me down. But I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. Dans le night show, on va parler cul. I love that. Allez, tout le monde à poil. The night show. Sur Fun Radio. Et c'est sérieux ce soir puisqu'il faut absolument qu'on aide Léo. Léo, je vous explique, je vous la fais rapide. Il y a une connaissance à lui qui possède une sextape de lui dans un parking. Et voilà, il l'a pas vraiment fait chanter, mais enfin, il lui envoie quand même des screenshots à base de j'ai tout. Du coup, ça le fait un peu chier parce que voilà, on sait pas ce qu'il peut en faire de ça. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il peut quand même aller chez les flics malgré le fait qu'il n'y a pas eu vraiment d'acte de chantage et tout ça, que rien n'ait été diffusé sur Internet? Qu'est-ce qu'il peut faire pour aussi lui mettre la pression pour qu'il l'efface? Je ne sais pas. Et Léo, t'as essayé d'aller le voir et de lui parler enfin, tu l'as vu de en vrai ou tu l'as juste eu au téléphone? Bah depuis cet événement-là, avant ça, oui, je l'avais vu en vrai, des soirées, des trucs comme ça. Depuis, non, je l'ai pas vu. J'ai pas eu l'occasion de le revoir en fait. Ah, il faut que tu le vois pour lui parler, quoi. Ouais, mais je sais même pas s'il accepterait, tu vois. Bah tu lui demandes, tu lui dis écoute, mais attends, mais c'est quoi ce con aussi là? Même si tu lui dis gentiment, écoute, ça m'embête vraiment, ça me pose souci, ça me fait chier, essaie de l'effacer, le mec te dit non. Bah ouais, le mec me dit non, il me dit non, je la garde, je sais pas quoi. Il va jamais plus loin, tu vois, il me dit juste qu'il la garde sans me dire qu'il va en faire je sais quoi. Après, rassure-toi, il va rien en faire déjà parce qu'il a pas le droit. Donc il risquerait de gros soucis et en plus je vois pas vraiment ce qu'il peut en faire, tu vois. Il va en faire quoi? C'est un parking, il va pas la diffuser sur des sites, il va pas l'envoyer à ta famille, je pense qu'il connaît pas tes parents, tout ça, il y a pas de risque. Ah bah non, là-dessus il y a aucun risque, non. Bon, alors à part la diffuser publiquement sur des réseaux, et encore une fois, je sais même pas ce qu'il y a sur cette vidéo, donc au pire, il faut être fier. Non, mais surtout Léo, pourquoi il te ferait chanter? Enfin, qu'est-ce qu'il y aurait à gagner en fait? Tu fais un truc dans la vie qui peut le servir ou... Bah non, pas spécialement, non. Donc, mais comme ça, quoi, n'importe quoi. Tu sais, il y a des gens méchants. Ou contre... Bah oui, il y a des gens vicieux. On a de la réaction pour toi, Léo. Il y a Zach, c'est un agent de sécu qui nous a appelé. Ah, fort. Yes. Bonsoir, Zach. Bonsoir tout le monde. Merci de me distraire pendant mes 12 heures de vacances sans pause. Avec plaisir, Zach. Alors, dis-nous, comment ça se passe? Est-ce que toi, t'as déjà vécu un truc comme ça? Ah, ouais. Moi, je suis rendu intervenant à la base. C'est-à-dire que je suis en voiture toute la nuit. Ouais. Et je me déplace sur des alarmes qui sonnent chez les particuliers ou sur des sites prévus à cet effet. Okay. Et j'ai des rondes à faire sur des parkings. Et sur un parking de supermarché, ça m'est arrivé un paquet de fois de tomber sur des gens en plein adultère. Parce qu'on vient pas à deux voitures pour une soirée bunga bunga avec Vladimir et Studio. Oui, d'accord. Donc, mais t'as pas filmé et... Non, bah ah non. Ouais. Ils n'ont pas le droit d'être là. Donc on va les voir gentiment. On leur dit voilà. Barrez-vous, quoi. Parce que là, vous êtes tombé sur moi, donc c'est tout à fait, mais si c'est les schnitts qui décalent, bah là, c'est plus problématique, parce qu'il y a exhibitionnisme, il y a atteinte à la pudeur, atteinte à la... Il y a un troisième truc, j'ai oublié le terme, mais grosso modo, c'est pour dire que c'est pas bien, c'est très décent, quoi. Mais alors, ça veut dire, Zach, que toi, tu penses, le vigile, en gros, il aurait dû aller les voir pour leur dire d'arrêter? Bah, soit il avait, en fait, il a décidé de filmer les caméras, ce qui est illégal, et qu'il avait envie de prendre une preuve. Et dans les 48 heures, aller voir la police avec le time code et dire, voilà, il y a des gens, je les attrapais en train de ken dans le parking, machin, etc. Mais il fallait qu'il appelle les flics avant pour leur dire de se déplacer parce qu'il y avait un truc en cours. Ouais, donc en fait, en gros, Léo, il peut tout à fait aller voir les flics là pour dire, bah, j'ai l'impression qu'on me fait chanter. Et... Alors, oui, il a même pas besoin de ça, parce que si les flics ont envie de faire du zèle, ils peuvent lui dire, ah ben c'est bien, merci de nous avoir dit que vous aviez fait ça, et puis merci de nous donner le gars à côté. Ouais, c'est vrai. Tout ce qu'il a à faire, c'est dire au type, bon, si tu tiens ta cache, on a une carte professionnelle, les agents de sécurité, qui est super dur à avoir et super dur à perdre, super facile à perdre. Ouais. Si il va voir le gars par Facebook et qu'il lui dit, bon, si tu tiens ta carte pro et que tu veux pas que ton patron en entende parler ou les administrations qui s'occupent des agents de sécurité en entendent parler, pas tu béton. Fous pas le bordel. Tu viens, on se voit, tu supprimes la vidéo et puis tout se passe bien. Et là, c'est pas con, Zach, parce qu'on prend le chantage à l'envers et là, tu deviens le chanteur, Léo. Ouais, franchement, mais Léo, en fait, bonne idée. Pilote, à un moment donné, il a eu l'idée dans sa tête que c'est lui qui avait le levier et qui avait un poids dans la balance. Il s'est mordu tout seul, il s'est tiré une balle dans le pied. Mais Zach, j'ai envie de t'applaudir. Ouais. Bravo, bravo. Bravo, Zach, formidable. Et concrètement, autant je suis pas une balance, c'est pas du tout le genre, mais c'est le genre de gars qui nous fait passer tous pour des guignols. C'est vrai. Et les agents de sécu, les vigiles, comme disent les gens, on n'est pas des guignols, clairement. Si ça va servir à peut-être 2 millions de personnes derrière la radio. Mais voilà, c'est un métier qui est pas simple tous les jours. C'est vrai qu'on s'ennuie pas mal des fois, mais c'est pas une raison pour aller filmer des gens qui s'amusent. Et, ben, franchement, et encore moins les faire chanter. Merci d'avoir représenté les agents de sécu comme toi, parce que l'autre là, le coup, c'est la même mentalité. Et j'ai entendu, j'ai appelé, j'ai fait non, ça va pas le faire. Eh ben, t'as eu raison, mon pote, merci. En plus, on lui a trouvé une solution, c'est une très bonne idée. Ouais. Effectivement, comme il a pas le droit de le faire, il a signé des trucs, etc. Franchement, fais-le chanter toi. Tu lui dis, écoute, si tu la gardes, il n'y a pas de souci. Ok, tu peux me mettre dans la merde, mais moi aussi, je vais te mettre dans la merde. Et voilà, c'est donnant-donnant. Ta carte pro, si la perd, il est au chômage sans aucune allocation. Ok, Léo? Parfait, merci beaucoup. Bah, je t'en prie, mon pote. Très bonne solution. Et puis bah merci Zach d'avoir comme ça un peu dénoué la situation. On t'embrasse mon Zach et bon courage pour le taf. Bisous. J'ai le droit à un petit truc pour me tenir compagnie ou pas? Ah bah oui, tu veux quoi? C'est pas un petit FEDER qui vient, puis vous avez plus les packs Fun Radio? Si, on t'envoie un pack Fun, y a pas de souci. Ah si, si, y a pas de problème. Et si vous avez FEDER sous la main, le dernier, il est magique. Et bah, écoute, tu sais quoi, on va demander à Adrien Thomas peut-être de te le passer. Bah ce sera Mikosé, mais on demandera à Mikosé. Ah oui, bah Mikosé alors. Bisous Zach. Bisous, bonne soirée, merci à vous. Ciao. L'équipe, je me demande, je sais qu'on en a déjà parlé, mais je ne me rappelle plus. Sextape ou pas sextape, Anso? Pas du tout, c'est pas du tout mon délire. Alors là, j'ai beaucoup trop peur que ça se retrouve partout. Donc, d'accord. À moins qu'on me filme à mon insu. Ouais, ok. Mais non. Mais moi non plus. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment des règles à respecter quand tu fais une sextape. C'est déjà, tu ne montres pas ta tête. Il y a d'autres choses à filmer que ta tête, tu vois. Ouais. Et surtout, tu la gardes pour toi. Faut pas, même si le mec, t'as l'impression que t'as confiance et tout, et te dit, mais si, je la garde et tout. Non, c'est niette. Ok, t'acceptes si t'as envie, si c'est un délire, mais tu la gardes. Amir, sextape ou pas? Bah moi, j'en avais déjà fait avec d'autres filles avant. Ouais. Mais franchement, entre nous, ça sert juste à montrer à ses potes. Oui, c'est ça, mais, en fait. C'est ce que vous faites, quoi. Mais non, mais moi, ça, je comprends pas ce délire de montrer comme ça ses performances. Autant nous, on se dit les choses avec les filles, autant vous, vous montrez des vidéos, c'est dégueulasse. Je vois pas le délire. Bah, tu peux pas comprendre, toi aussi. C'est comme le foot. Genre là, tu pourras juger la pelouse, les transversales, les barres, tout. Les jeux de jambes, la totale. Tu peux tout voir, si ça crie, mouvement de tête, calme. Ouais, c'est votre délire. Thibaut, la sextape ou pas? Moi, non, mais j'ai une pote qui m'avait filé genre son ancien téléphone parce que j'étais en galère. Ouais. Et dedans, j'avais retrouvé justement des photos d'elle totalement nue, quoi. Oh merde. Non, ouais. Mais ça, à la limite, pourquoi pas? Enfin, tu vois, mais du coup, t'as fait quoi des photos? Bah, oui. Du coup, je suis allé aux toilettes et puis j'ai fait ce que j'avais à faire et ensuite, j'ai supprimé les photos. Ah, comme tout le monde. C'est horrible. Normal. Ah non, mais la pauvre, mais en même temps, ouais. Et alors, elle était bien ou pas? Bah, franchement, ouais. Franchement, c'est con que ce soit ma pote. Hein. Bah, une fille qui se prend en photo nue, qui garde les photos, c'est qu'elle est gaulée. Hein. Ouais. Je suis pas hyper gaulée, mais ça m'est arrivé de faire 2-3 photos. Et tu les gardes comme ça dans ton album? Mais non, je les garde pas dans mon album. Je les garde dans une application qui s'appelle Calculator, voilà. Dont vous m'avez parlé et qui permet de cacher avec un code secret des photos, des documents. Mais elle est cachée comme ça, pas du tout quoi. Elle a vu tous. Donc elle est gaulée. Enzo, standard, toi, t'as fait de la sextape? Non, jamais, mais j'aimerais bien lui demander, mais je sais pas comment faire. À ta meuf? Ouais, une petite technique, mais. Oh bah attends, tu peux, ça fait longtemps que t'es avec elle, tu peux lui dire, t'as pas envie qu'on se filme un peu? Bah oui. Le problème à la radio, c'est que tout le monde peut avoir accès à mon téléphone, donc je pense que je serai un petit peu. Mais tu la mets dans une appli secrète, t'inquiète. Ok, tu montreras. Ouais. Il y a Laurine de Chatou qui est avec nous. Ouh, Chatou. Laurine de Chatou. Ça va, Laurine? Bonsoir, les filles. Bonsoir, les filles. Je sens la voix de la coquine, je sens que t'as fait de la sextape, toi. Oui. Et c'est tombé en de très mauvaises mains. Ah, raconte alors. Eh ben, en fait, avec mon copain, on a fait une sextape, hein, comme certains. Ouais. Et en fait, mon chéri l'a mis sur son disque dur. Sauf que le problème, le disque dur, il devait la supprimer tout de suite après. Et entre-temps, il a fait autre chose, machin, machin. Il a zappé. Mm-hmm. Entre-temps, le disque dur, il l'a prêté à ses parents. Parce qu'il y a plein de films dessus. Oh non, hein? Oh non, c'est pas vrai. Eh ben, qu'est-ce qu'il a vu comme film, à votre avis? C'est pas possible. Oh putain. Mais attends, mais il se passe, c'est quoi, Laurine, dans cette sextape? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu, beau papa et belle maman? Oh bah, quelques positions, hein. Je vais éviter de donner les détails. Oh, mais en gros, quand ta belle-mère vient te voir en te disant voilà, on est tombé sur une vidéo un peu bizarre de vous deux, tu sais pas où te foutre. Là, c'est la honte totale. Elle est gonflée de te l'avoir dit parce qu'elle aurait pu garder ça pour elle. Je veux dire, elle l'a vu. T'es pas obligé de mettre mal à l'aise la personne, quoi. Ouais, c'est ça. T'en parles à ton fils à la limite, oui, en disant fais gaffe la prochaine fois, nettoie un peu ton disque dur. Mais écoute, après voilà, c'est pas grave. Ça reste tes beaux-parents. Donc même si c'est gênant, il y a un côté un peu comme ça, malsain. Mais en vrai, c'est pas quelqu'un de mal intentionné, tu vois. Ils en font jamais rien, eux. Oui, j'espère. Bah non, si tu veux qu'ils vont pas diffuser leur fils sur internet. Ouais, à moins d'être des gros pervers. Enfin, c'est quand même chelou. Non, mais après, je comprends. Il y a quelques semaines où t'es un peu gêné, tu te caches, quoi. Ah bah, je n'osais plus la regarder. Je n'osais même plus voir mes beaux-parents. J'étais tellement mal à l'aise. Normal. C'est du passé. C'était toujours avec le même mec? Oui, toujours. Bon, bah, au pire, tu changes de mec, t'auras de nouveaux beaux-parents. Bonne idée. Merci de nous avoir appelé, ma chérie, on t'embrasse. Merci beaucoup, gros bisous, les filles. Bisous. J'ai envie de demander à Pépère, même si je sais la réponse, t'as déjà fait une sextape, toi, ou pas? Bah oui, Pépère, il a déjà fait des sextapes avec mémé, hein, ça c'est sûr. Bon, et c'était comment, alors? Bah, je sais pas, à vrai dire, la caméra l'a fini dans son cul, donc j'ai jamais la fin, mais... Ça m'étonne pas de toi, Pépère. Bah oui. Ah, t'as pas pu voir la vidéo? D'ailleurs, je la recherche tout le temps, la caméra, je la trouve pas. D'accord. Ouais, bah, merci, Pépère. Elle est toujours dans mes mères. Oui, je pense qu'elle est, même perdue que mon petit frère. Hein. Quoi? Bah oui. Bah, dis là. T'as voulu dire quoi? Attends, mec. Je cherche mon petit frère dans le cul de mémé. Ah, il a perdu dedans. Excusez-moi, il part en impro, c'est une catastrophe. Oui, c'est triste. Hein. Pépère, t'es mauvais en impro, tu non. le sais. Léo, on t'embrasse très fort. Tu nous tiens au courant, surtout quand l'affaire est réglée. Mais Zach, il t'a donné 2-3 tuyaux qui devraient être pas mal. Ouais, ça marche. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Hein. Bisous à toi. Bisous et encore bisous, une bonne fois, soirée. On embrasse tous les agents de sécu qui font du très beau boulot. Zach avait raison. Voilà. Oui, tout ça. Et puis on embrasse aussi les routiers, les infirmiers ainsi que les plombiers. Mikosé, bonsoir. Bonsoir Anso, bonsoir Christina. Pourquoi? Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que je me suis trompée de prénom. J'ai dit Adrien Thomas. Du coup, il se venge. Ah ouais. Oh, ça va, c'est gentil. T'en loupes pas une, hein. Bon, alors Mikosé. Moi, je vous écoute. Mikosé, alors lui, il est parti en croisière. C'est quoi cette voix là? Ah bah, c'est la voix de croisière. Quand tu dors peu ou pas, quand tu profites de la piscine, du pont toute la nuit, bah voilà, il se passe des choses comme ça. Mais c'est cool. La croisière Fun Radio. Ouais. La croisière Fun Radio. Non, c'était cool. Il y avait Bruno, il y avait Maëva, il y avait Lucas, notre directeur d'antenne, qui est parti aussi. Ouais. Il y a des vidéos qui vont tourner assez vite. Ça va être juste énorme. Ah bah j'ai hâte de voir ça. Et attends, il y a du dossier, tu veux dire? Oh, tellement. Mais non, arrête. Beaucoup. Pas que des gens de la radio, mais enfin c'était énorme. Et il y a du dossier en vidéo. ce qui reste, ce qui s'est passé sur le bateau reste sur le bateau. Ouais. Moi j'ai vu des serviettes tourner et tout. Ah, moi aussi, grosse ambiance hein, sur le dîner du capitaine. Là. Wow, les gars, ça tournait de la serviette quoi. Vous avez vu le stade de Lucas. Ouais. Bon, on se retrouvera demain soir, bien sûr, en direct à partir de 22h. Oui. Pour participer à l'émission, bah, toujours pareil, hein, sur les réseaux sociaux, hashtag le Night Show, 01 42 48 5000. On va recevoir bien peut-être une grosse surprise demain soir dans l'émission. Peut-être énorme surprise, soyez là demain. Et on vous dira ça bien sûr sur les réseaux. Et puis on se quitte en chanson. Est-ce qu'on était contents d'être là? On était contents d'être là. Merci beaucoup. Are you ready to go? Jusqu'à une heure. Une heure. C'est Party Fun Deep. Sur Fun Radio. Let's go. Party Fun Deep. Party Fun Deep. Avec Miko C. On Fun Radio. Party Fun Deep. Après une petite semaine de répit, Crozier Fun Radio oblige, on est de retour. Party Fun Deep saison 2, émission 4. Ma voix est restée sur le bateau. En tout cas, on va essayer de passer une petite heure ensemble pour bien terminer le week-end avant de redémarrer une dure semaine. Bon courage à vous en tout cas. On est parti dans ce premier quart d'heure avec le carton d'Imani, Don't Be So Shy. Il y aura du Klingon, il y aura du Jonas Blue avec le remix de Perfect Stranger et le nouveau Armand Van Elden avec Wings. Il n'y a même pas de Welcome and Bird de Pépère. Je suis déçu ce soir. Bah si. Tu l'as oublié. Welcome and Bird. Quoi? Merci. Il est où le welcome on board? Tu le mets dans le cul de mes mères ou pas? Bah non, dans le ton cul à toi par contre. Hein. Coquin. Ouais, il est perdu comme ta voix le welcome on board. Bon, ça va. Ouais. Ah, il est pas si mauvais que ça en impro. Il dit welcome on board. Ouais, on board. Ah, quand il veut. Ouais. Allez, welcome on board. Party Fun Deep jusqu'à 1h du matin sur Fun Radio. jusqu'à 1h. C'est Party Fun Deep. Party Fun Deep sur Fun Radio. Just tried to stand me down. And when I looked at you, you looked at frown. I don't know who he is, but I think that you do. That damn it, too. Who is he and what is he to you? Is he to you?

terminer le week-end, c'est parti fun. Deep. Sur Fun Radio. Warm, coffee in a sea.